IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir wow. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bien sûr. Et épisode un petit peu. Alors celui-là était attendu, les gens l'ont beaucoup réclamé. Et on est content d'enfin pouvoir le faire, ça tombe bien, les planètes se croisent. Notre premier invité est scénariste, réalisateur et journaliste. Il est sûrement le frangin le plus visionnaire du monde. On s'est rencontré en 2015, sur Bloqué. À l'époque, je l'avais nommé Clemsan sur mon téléphone. Depuis, il a pécho une victoire de la musique, rien que ça, pour son documentaire Montre jamais ça à personne. La partie 2 sort sur, enfin, est déjà sortie sur Prime Video. C'est Clément Cotentin. Hey, merci. Ici, quel plaisir, quel bonheur. Je peux m'applaudir tu moi-même. Tu peux t'applaudir toi-même. Il n'y a vraiment pas de règle. J'hésite toujours dans la vraie vie à m'applaudir moi-même. Oui, c'est vrai. Chez toi, tout seul, tu le fais quand même. Oui, oui, oui. Quand j'ai fait des pattes de ouf. Musicien, rappeur, parolier, auteur, réalisateur, muse pour les gens qui font des mèmes sur Twitter. On s'est rencontré en 2015 sur Bloqué. À l'époque, je l'avais nommé Aurélien Rap parce que j'avais peur de me faire voler mon tel et que je sois le gars qui a fait leaker le numéro d'Aurélien. 4 albums solo, 2 avec les casseurs flotteurs. Alors, sur Wikipédia, ça dit que ça vient de opérationnel, rationnel, exceptionnel, lusté. Wow. Aurel. C'est parce que c'était un des premiers morceaux qu'on avait sorti. Je crois que c'est mon tout premier morceau, ouais. Quoi, qui était un truc qui avait été sur un CD sampler de RER, je crois, à l'époque. Et c'était ça le refrain. C'est ça. Opérationnel, rationnel, exceptionnel, lusté. J'ai bien honte de ce morceau. Trop cool. Bah, je suis content de te le rappeler. Et mais lusté, ça veut dire quoi, du coup? Ça voulait dire stylé, quoi. Ah, genre, ouais. Il a du lust, lusté. C'est un double verlan. Ouais, oui, c'est ça. C'est un verlan re-adjectivisé. C'est ça, ouais. Bon, vous l'avez reconnu, c'est Aurel San. Donc c'est un épisode un peu spécial, alors on va pas faire les news du Floodcast. En plus l'autre truc c'est que nous avec Adrien là on a fait 7 dates en tournée, donc il y a plus de news insolites dans le monde, il y a plus rien, c'est voilà, il se passe plus ou moins rien dans le monde de toute façon en ce moment, donc ouais. Voilà. Mais on va faire une émission autour de la deuxième partie du documentaire que tu as réalisé, Clément, Montre jamais ça à personne, donc qui est sur Prime Video en ce moment. Donc ça va être un peu mini interview, mi discussion autour de la création, en même temps il y a des délires aussi. Franchement, on va délirer, laissez-vous guider. Franchement, on va délirer un max. Ouais, ouais. D'ailleurs, première question, vous aimez délirer un max autour de la table? Moi, j'adore me fendre la poire. Ah, ok, ah, ok, ouais. Bon, ça c'est noté déjà. C'est vrai que c'est bien quand c'est délirant. C'est vrai. Donc, le documentaire s'appelle Montre jamais ça à personne. Est-ce que c'est une phrase que tu prononces dans la première partie, Aurel, au moment où tu bossais à Caen? Est-ce que c'est une phrase que le Aurel qui a sorti Civilisation a été tenté de dire un petit peu au moment de la sortie de la deuxième partie? Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, ouais, ça. Ouais, ouais, carrément. Justement, je pense que cette partie-là est encore plus intime que la première, quoi. Il y a vraiment des trucs. En fait, vu que c'est Clem qui filme, j'oublie quand même tout le temps la caméra, quoi. En vrai, ouais, il y a pas de filtre, quoi. Donc, j'aurais pu très bien le dire. Je pense que je lui ai dit plein de fois, quoi. Ouais, genre, ça, pareil, par contre, si tu peux le couper. Il mettait des petites inceptions comme ça. Bon, ça, tu le mettras pas, mais. Et moi, j'enlevais le moment où il me disait, bon, ça, tu le mettras pas. C'est un floodcast, quoi, mais, finalement. Ouais, mais il m'a ça. Pas menacé comme il me menaçait il y a 20 piges, quoi. Il y a 20 piges, ça, tu montes jamais à personne. Tu vois, avec les dents bien serrées, comme quand ton père, il te menaçait comme ça. Je te tais maintenant. Oui, moi, ce que j'ai adoré dans la deuxième partie, c'est un peu la désacralisation, un peu de l'acte de création. On voit que c'est du taf, qu'on se plante et tout. Est-ce que c'est un truc que tu étais conscient de ça, Clem, au moment de filmer ou... Ouais, c'est ce que je voulais montrer. En vrai, c'est ce que je voulais montrer même avant de faire les premiers épisodes l'année dernière. En fait, c'est le premier truc que je voulais faire. Moi, quand je bossais dans le sport à Canal, j'aimais bien décortiquer les gestes, la technique, la tactique. C'est un truc que j'aime bien faire. J'ai un petit côté un peu prof, je crois. Ouais. Et donc, je voulais faire ça. Et puis, en fait, quand on a commencé à monter les épisodes, donc il y a 2 ans, les premiers... je me suis dit, bah non, en fait, faut peut-être que les gens connaissent bien Aurel, l'histoire, les gars, et après, on pourra peut-être parler création, comment il fait. Et donc là, c'est vraiment ça que je voulais faire. Et puis, j'aimais bien, tu sais, on dit souvent, pas forcément en parlant d'Aurel, mais ah, le génie, la génie, quelle idée géniale, ouais. Et tout. Et en fait, une idée géniale, ça vient de plein de daubes que t'as fait avant, tu vois ce que je veux dire, ouais. Et je trouvais ça cool. Daube ou idée pas encore aboutie, qui a besoin de mûrir. Et je trouvais ça cool. En plus, j'aime bien le défi. Parce qu'un mec qui écrit, c'est quand même quelqu'un devant un ordinateur. Ouais, c'est dur. Et donc, j'aimais bien ce petit défi d'essayer de le rendre vivant. Ouais. Voilà. Mais t'as ce truc aussi de. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que parfois, effectivement, tu galères pendant des mois sur un texte. Et des fois, il y en a un, il sort en. Très vite, quoi. Et ouais. il peut être tout aussi ouf, ouais. quoi. Ouais, grave, il n'y a pas de règle. Justement, avec David Tomaszewski qui réalise mes clips, David, il a une phrase que j'aime trop. C'est genre, les bonnes idées viennent en travaillant, les meilleures tombent du ciel parce que tu as travaillé avant. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, je me demandais, parce que, en préparant l'émission, est-ce que vous pouviez partager. Parce qu'il y a quand même un truc assez fou dans le docu, c'est que. D'ailleurs, je me suis posé une petite question, petite parenthèse. Est-ce que t'as fait pause sur toutes les notes pour voir s'il y avait des trucs qu'il fallait pas que ça sorte, ou des trucs un peu vénères? Parce que tout des... le monde va le faire, donc. Parce que sache que c'est déjà fait à l'heure où on parle. Ouais, c'est vrai, j'ai vu, il y a des articles et tout, comme quoi j'ai refusé un feat avec Childish Gambino. Mais oui, c'est vrai. Parce que c'était dans mes notes, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai. Ce qui est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est putain, vrai. Ouais. En 2010. Il sortait je crois son premier album et il m'avait proposé de faire un morceau via la maison de disques et moi je connaissais pas et tout, je connaissais même pas Community et ouais. Je suis deg maintenant parce que je suis grave fan de Community, ouais. Et j'avais écouté, j'ai dit ouais c'est pas mal mais j'étais entre deux albums et tout, j'étais pas dedans, je me suis dit ouais vas-y on passe quoi, et du ouais. coup j'avais dit non à Childish. Et bah en fait c'est sûr que t'as peur que ce soit mal interprété parce qu'en fait Aurel, faut savoir, donc il prend énormément de notes, c'est ça ouais. qu'on montre dans les épisodes tout le temps, c'est ça aussi qui Aurel, il n'y a pas la page blanche en fait, il y a plein de trucs écrits et maintenant il ouais. faut trier, filtrer. Et en fait, tu te dis ouais, ça peut être mal interprété parce qu'évidemment, c'est des trucs sortis bruts de son, bien sûr. De son cerveau. Et puis, mais vieux, ça peut en plus, ouais. c'est des notes de 2013 et tout. Ouais, et ça peut ça. Même être un truc, il l'a noté, c'est une phrase pour un méchant dans un film. Ouais, ouais, bien ouais, sûr. J'en potentiellement, plein, ça peut être vraiment des bombes atomiques. Mais moi, j'ai noté des trucs, il y a aussi même des films qu'il faut que tu mates, genre Délivrance. Quand j'ai fait pause, j'ai fait. Ah, j'ai je crois que j'ai inventé un easter egg, c'est qu'à un moment. Dans les notes, il y a marqué coup de tête Patrick Devers. Et un peu plus tard, tu dis putain, mais c'est trop stylé quand je siffle sur une instru. Et le thème de coup de tête, c'est siffler. Et je me suis dit putain, ça se trouve, c'est lié. En fait, je pense que j'ai vraiment inventé ce lien. Ah, ouais. Non, tout est prévu. Non, ça, ça par exemple, j'avais ouais, pas. Ok, ouais. Fou. Okay. Il y a un petit numéro de téléphone aussi. Moi, je me suis dit putain, est-ce que quand tu l'appelles, t'as l'album? Pas du tout. Non, c'est un numéro non, de sécu. Quelqu'un qui dit arrêtez de m'appeler, putain. Par contre, c'est vrai qu'on a flouté quelques trucs parce que, genre, il y a mon numéro de mon compte en banque. Il y a vraiment des mots de passe, tu sais, en plein milieu de mes notes. Il y a genre, ouais, des mots de passe de, je sais pas, d'Amazon. Et non, on a pas mis d'easter egg. C'est vrai qu'on aurait pu en mettre. Et dans le truc, par exemple, il y a la dans les idées où tu dis bon, tu vas pas au bout, il y a la chanson fils de pute. Ben, Manuel, c'est quoi, c'est Manuel? Le petit guide petit pour guide. Être un grand fils de pute. Oui, c'est ça. Oui, de c'est passer ça. De petit fils de pute à grand fils de ouais. pute. Ça, c'est moi, j'adore ce passage dans le docu parce que comme je dis, on en parle, on va pas spoiler les trucs, mais c'est juste pour le truc est sorti. Et à mon avis, connaissant les auditeurs du Floodcast, il y en a quand même une bonne partie qui ont dû déjà le mater. Ouais. Mais le moment où tu te rends compte que c'est pas ouf, ouais. c'est vraiment parce que ça vient d'où, parce que c'est ce que tu racontes, c'est un mélange de thèmes et de paroles et de trucs, mais même le sample du fils de pute, ça vient d'où ce truc? Ouais, c'est que des samples de films d'ailleurs. Si ah vous ouais. voulez vous amuser à les reconnaître, c'est que des films en français où ils disent fils de pute. Rien que ça, ça m'a pris une journée. Rien que trouver. Et en fait, c'est un morceau où je me suis investi peut-être 2 semaines dedans. C'était ouais. le premier truc et dans ma tête. En fait, l'idée est pas nulle, tu vois. Non, la non, preuve, non, on est non, en train d'en tout. Parler et tout. Ouais. C'est juste, j'ai pas réussi et je suis parti loin. Il est en 5 parties. Il y a plein d'idées qui sont vachement bien de ce que. En fait, en vrai, l'idée c'était de dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que tu deviens un fils de pute pour un peu ne pas le faire en oui, vrai. Bien tu sûr. Vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est juste, je sais pas. Ça marche pas et depuis j'ai essayé de rebosser sur ce morceau, j'arrive pas à le mettre en. Il est pas bien. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le faire exister. Ouais. Et pourtant, c'est pas si loin. Mais c'est vrai que le moment où j'écoute, je me dis, c'est pas de la musique en fait. C'est très très drôle. Et lui, il est particulier parce que c'est un des premiers trucs où je me suis vraiment lancé dedans. Et c'est là où je me dis, ah. Ouais, la blague qu'on avait avec Aurel, c'était en fait, dès qu'Aurel il faisait une maquette, avant de me la faire écouter, il faisait. Skyrock. Et si jamais derrière t'appuyais sur play et tu disais c'était une blague hein, Skyrock, ouais. Mais tu vois genre non, personne n'a envie d'écouter ça et ben, ouais. ça nous déprimait. T'as pas envie de tourner la Skyroulette à la fin de la chanson, c'est qu'elle est pas ouf. Ah, c'est quoi. Ça, c'est pas pour que ça passe sur Sky, mais c'était ouais. pour se dire est-ce que c'est un vrai morceau que tu pourrais assumer. Et en fait, il ouais. y a des trucs, des fois, des bonnes idées. Moi en montage, ça l'a fait mille fois aussi. T'es là, tu t'enflammes, tu passes toute une nuit, t'es ouais. là, t'as l'impression d'être le Vivaldi du montage. Parce que moi j'aime bien, je bosse la nuit. En fait, il y avait deux monteurs. Qui s'appelle Hugo Leman et Maël Lenoir, qui était incroyable. Et moi, je bosse ça fait pas mal d'années que je fais ça, je bosse un peu en décalé, donc je passe un bout de la journée avec eux, et après, moi, je reste le soir pour ouais. avancer sur le montage, parce que ce que je kiffe vraiment, c'est le montage. Et du coup, tu t'enflammes, tac, tu finis à 5 heures, tu bois des cafés, t'es ouais. comme un ouf, et le lendemain, t'appelles, alors... Ouais, non, c'est pas bien. Ouais, c'est et ça, là, t'as une oui, le matin, chute tu te lèves, tu trouves ça nul à chier. Parce que tu ouais, c'est un peu ça, une c'est... chute de tension, t'as honte, tu t'es enflammé, ouais, tu ça. Te dis c'est peut-être ça le prochain truc, ouais, ça va nous débloquer. Et c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir ouvert ton cœur à quelqu'un ouais. qui te dit ah non, pas c'est du tout. Moche. Je ne ouais. t'aime ouais. pas. Ton cœur est moche, je t'aime pas, je t'aime pas. Dégueulasse. Oui, c'est ça. Et en plus, là, on en parle, genre, ça paraît rien de bosser pendant une semaine ou deux, mais quand t'es dedans, c'est long, quoi. Ah, c'est fou. Bah, ouais, ouais. C'est fou. Moi, j'ai eu ça quand tu fais lire des scénars où tu dis, bon, je crois que là, c'est bien, et qu'on te fait, ouais, alors on se fait chier au milieu. Tu fais, oh, putain, merde. Hein, c'est et genre, c'est vrai la plupart du et temps. C'est vrai, non, et c'est mais, vrai, c'est ça. Oui. Et toi, comment tu réagis quand, par exemple, il te fait écouter parce que t'as ce truc de. Parce que c'est ton ref, tu sais ce qu'il fait, mais en même temps, tu dois faire un documentaire sur lui, donc tu peux pas non plus trop montrer ce que tu penses. Est-ce que toi, tu dis, non, en vrai, je pense qu'il y a un truc. En fait, moi, j'ai. Entre guillemets une qualité et un défaut, c'est que je suis assez fan de mon frère, ouais. je le cache pas, tu vois, c'est mon rappeur préféré, tu vois, et en plus, donc j'aime bien ce qu'il fait en général, et en plus je sais pourquoi il le fait, et souvent c'est là le début d'être un peu corrompu entre guillemets en tant qu'auditeur, ouais. quand tu sais pourquoi il l'a fait, combien de temps il a mis, ce qu'il a voulu faire, oui. et ben en fait t'aimes bien bah, parce ouais. que tu dis ah d'accord, ok, t'as réussi à faire ce que tu veux, ce que tu veux. La base virale a été mise à jour. Excusez-moi. Et donc tu sais pourquoi il l'a fait, et donc déjà t'es biaisé parce que tu dis ah, il a réussi à faire ce qu'il voulait, donc déjà c'est cool, et puis c'est bien en fait, et puis tu et donc t'as du mal à avoir du recul, et quand je le vois par contre commencer à être déprimé en général, ça me fait marrer. Bah oui, bien sûr, ça me fait marrer, j'ai du mal à je m'inquiète rarement à ce moment-là, quoi, parce qu'en plus je sais qu'il va bosser, je sais qu'il va pas lâcher l'affaire, donc ça me fait rigoler, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le, t'es pas le meilleur juge de ma musique. Non, quoi. Pas du tout. Et justement, on avait essayé un peu, à un moment, on s'est dit, ah, quand même, Clem, il donne son avis et tout, est-ce que peut-être il a un rôle dans l'album? On s'est même dit, peut-être dans la saison 2, peut-être à un moment, tu pourrais avoir un rôle. Je pense qu'il a quelque part un rôle, parce qu'il est là tout le temps. Ouais. Mais au final, pas tant que ça. Ouais, ouais. Non, au final, pas trop, si. Il m'aide et tout. Il y a le moment où tu rappes, quand même. j'ai à chaque fois je me mets dans mon col de chemise ou de t-shirt, je vais même acheter un col roulé, je pense, tellement à chaque fois que je regarde les épisodes je me dis putain, mais et je l'ai ouais on a mis ce moment là en fait. Aurel est hyper en galère et moi je me dis, et il a d'autres morceaux à faire en fait, donc il bloque oui, sur c'est un ça, morceau c'est, ça, c'est là où c'est vraiment une série, enfin c'est documentaire mais c'est quand même une série méga haletante, c'est que tu as vraiment le oh, on va parler, je suis avec des scénaristes, il y a le time bomb mais on sait que tu dois rendre un album, et du coup c'est le stress de oh putain, il va jamais y arriver, ouais, et donc je me dis vas-y, moi bon je c'est cool, je suis avec ma caméra et tout, mais peut-être je peux poser ma caméra deux secondes et l'aider là à un moment, je suis quand même son petit frère, j'écris un tout petit peu mais pas du rap du tout, quoi, et je me dis si jamais je peux le débloquer avec un mot, un truc, un regard, une virgule, une phrase, un truc où il n'y a pas pensé, je serais content. Et je me filme quand même parce que je me dis tiens, ça peut être marrant, et sur le coup j'oublie complètement que j'ai fait ça, et c'est Hugo, l'un des deux monteurs, qui me dit oh, incroyable, c'est une des pépites de la saison. Je dis mais non, bah, on va pas le mettre, on va pas le mettre. Bah si, il faut. Abla, il avait l'air très chaud. Et Abla, donc les gars voulaient le mettre, Hugo, Maël et Christophe avec qui je co-réalisais, et Abla il m'a menacé, donc j'ai. Non mais c'est trop bien, c'est vraiment le mec qui se jette devant les balles, tu vois, c'est vraiment le sac, c'est trop bien, c'est un moment de bravoure. Chambé, que quoi. Il a évité aucune c'est le pire garde du corps, c'est vraiment il a et les balles ont rebondi après, contre après, lui en vrai son couplet était même pas nul, c'est juste c'est pas un couplet à moi, quoi. Ouais. ce qui m'a rassuré, c'est peut-être limite, ça se trouve ça m'a redonné confiance en me disant c'est dur, Ouais, c'est n'importe ça. Qui ouais. ne peut pas ouais, y arriver. Si ton ref avait réussi, t'aurais fait bon, attendez les gars, mon ref. Merde, ouais, c'est horrible en fait. A fait un truc comme moi. Ouais. T'aurais fait bon, bah j'arrête en fait. Juste, il essaye pour la première fois, il fait mieux que moi. Donc en fait, c'était bien comme ça, je pense. Mais potentiellement, tu sais que c'est la magie d'internet. S'il y a des gens qui veulent faire des petites compos autour de ton rap pour les poster sur YouTube. Non, putain, j'avoue. Il n'y aura pas de même, je pense. Il y aura pas de même. Franchement, personne. Connaissant internet et la bienveillance des réseaux, je pense que personne mettra ton rap sur des instrus. C'est clair. En fait, quand il a rappé, ça aurait pu ouvrir deux mondes. Ça aurait pu ouvrir le monde où je me dis, j'ai besoin des autres, il faut que j'aille chercher l'aide ailleurs. Et là, ça a ouvert le monde où je me suis dit, bon, c'est juste relou. En fait. Il faut que je continue. Le monde comprend finalement souvent. Celui où on dit, bah, c'est juste relou. En fait. Il y a un truc où j'étais content, c'est que peut-être il y a 10 piges, j'aurais pris ce casque et ce micro en me disant, putain, je suis à deux doigts d'être sur l'album d'Aurélien. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais eu cette espèce de rêve secret complètement nul et impossible. Et là, je sais que je suis serein parce que je l'ai fait en me disant, tiens, je vais essayer de lui filer un coup de main, tu vois. Ouais, c'est et, cool. Et sans enfin, tu vois, avant, j'aurais été un peu comme ça. Avant, dès que j'étais sur un tournage, sur un truc, j'avais ce petit truc de, oh, peut-être on va m'appeler. On va me découvrir, on va dire, toi, t'as un grand potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Mec, moi, pour parler un peu de Wham, quand on a fait bloquer tous ensemble, moi, j'avais la méga pression et je sais que avec Clément on a tout de suite matché parce qu'on était un peu tous les deux les pas connus quoi. Tu vois, on était un peu et il y avait ce truc de ok, on joue notre vie, il y a vraiment, on va écrire des blagues à des gens très marrants qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est la pression, elle est folle. Et c'était un peu ce que je voulais montrer dans la saison 1, c'était, il y a cette espèce d'image fausse que réussir à faire quelque chose, c'est à un moment, on va dire, il est génial, ouais. Boum, je te mets sur Toy Story 5. Et ça se passe très, très, très rarement comme ça, et je sais même pas si c'est souhaitable, quoi, tu vois. Ouais. En fait, c'est une accumulation de petits succès, voire de petites défaites, de rencontrer des gens, trucs et tout. Et je trouve ça cool et rassurant, en fait. Ouais, mais ça, c'est cool. Aussi que vous soyez honnête sur ce truc là tout le passage encore une fois sans spoiler, mais sur le retour, et que tu vois justement les réseaux sociaux comment ils s'emparent du truc, etc., quand t'annonces les Bercy, etc., ça c'est super cool de le montrer, je trouve, parce qu'il y a un truc où tu dis bah ouais, ça touche les artistes, c'est un truc, encore une fois, dans la désacralisation, je trouve ça chambé. Ouais, et puis tu sais, il y a le truc, je sais pas si c'est les années 70-80 ou je sais pas, j'écoutais la radio avec mes parents et j'entendais, je dis n'importe quoi, chez là ou je sais pas quoi, j'étais dans un cabaret à Montélimar et un producteur m'a dit tu seras la prochaine star, et je me suis retrouvé à l'Olympe. Tu vois, et en vrai, alors je sais pas si c'est des histoires dont je me rappelle qui sont fausses, ou mais je pense en que tout les cas, artistes mentent beaucoup. Ouais, ils s'inventent une mythologie de ouf. Mais c'est tout à fait vrai, parce que c'est vraiment fou que quand t'es dans le docu, tu dis putain, c'est génial, on voit que c'est dur. Tu dis mais c'est fou qu'on a attendu ce temps-là pour se rendre compte que c'est dur, quoi. Enfin, non, mais tu vois, parce qu'on a vraiment vécu avec cette image de l'artiste qui est posé à une fenêtre et qui regarde la lune et qui fait ok, allez, l'inspiration va tomber sur moi. Puis on a toujours l'impression que les artistes ils sortent de nulle part, parce qu'en fait, bah, juste que quand leur travail arrive à toi, c'est parce qu'ils sont déjà connus, en fait. Toi, tu t'as pas connu toutes les années où ils ont galéré, quoi. Et donc tu te dis putain, mais il sort d'où ce mec? Bah, il sort de 15 ans à galérer et il commence enfin à être connu, quoi. C'est ça. Et donc, exactement. Du coup, on avait un petit truc où on voulait parler des idées mises de côté, les idées pas ouf. Avec Adrien, on a fouillé un peu en notes. Clément, t'as eu le temps ou parce que là, on vous chope j'ai vraiment dans un truc de promo fou, parce que vous enchaînez de malade. Les gars étaient chez Delahousse hier, c'est te dire, Adrien. C'est fou. Chez Laurent Delahousse, et aujourd'hui ils sont chez nous. C'est pas la classe, sans déconner. Toi, Clément, est-ce que t'avais dans des idées? Moi, j'ai plongé dans les sketchs bloqués aussi. Hein, waouh. Il y a des trucs. Je suis jamais moi, j'en ai retourné beaucoup, dans cette cave. Des épisodes de bloqués que j'ai écrit qu'on n'a pas gardé, j'en ai 6 ou 7. Moi aussi, ouais. Mais moi, je suis content. Quand je les ai revus, je suis content qu'on les ait pas gardés. Ah, t'es content. Ah, il y a des belles daubes. Moi, je trouve qu'ils partent d'une bonne idée qu'on n'a pas abouti. Mais toujours. Non, mais c'était toujours ce truc d'avoir plusieurs cerveaux qui se rencontrent. C'est que des fois, il y a des cerveaux qui se... Je crois qu'on avait un peu parlé dans le Un Bon Moment de Kian, mais c'était ce truc de... Toi, t'étais très dessin animé. Je me souviens d'un fantôme de sperme. Un grand épisode de bloqué. Je voulais faire un épisode d'Halloween, un peu comme dans Les Simpsons, où genre je me branlais, je giclais sur une pizza, et ça donnait naissance à une espèce de pizza mutante. Ouais, pizza mutant sperme. Ouais. Mais il y a Rick et Morty là qui sont en train de... Ouais, c'est fou, c'est vraiment ça. Je crois que Navo a dit, ce n'est pas un dessin animé, ça rentrait pas dans la... Oui, et ça, je crois que c'était club, ça aussi, il y avait un truc d'enclume ou de coup sur la tête. Je crois que on avait un épisode avec la souris, C'était toi qui avait failli partir en couille de la souris, c'est vrai qu'il était bien l'épisode. Il était trop bien, mais il avait failli partir encore plus en couille. Il y avait vraiment des folles. Il y avait aussi des fois quand j'écrivais, genre je partais, genre ça, il y avait même pas de cut, je re-rentrais et genre Gringe, il avait de la barbe. Il y avait des blagues. Et genre Gringe, il disait putain, je me suis ennuyé de ouf quand t'étais pas là. Il y avait des blagues vraiment des as un peu. Y a-t-il un pilote dans l'avion et tout. Ouais, bah c'est marrant, ça me fait penser à dans Groom, c'était toi le, t'avais une idée où le mec, il y a un personnage qui est hyper débile. Le personnage de Vincent Tirel et puis abruti. Il devient intelligent quand il a une moustache. Oui. Il se laissait pousser la moustache et quand il se laissait pousser la moustache, il était génial, il était très intelligent. Mais c'est trop marrant. Bah tant qu'on est dans Bloqué, moi j'en avais un, ça s'appelait Le fils de Forrest Gump a le sida. Donc c'est le titre de l'épisode. Ouais. Et, oui, alors c'est les idées pas ouf, hein, j'ai prévenu. Hein. C'est ton idée ça ? Ça c'est moi, okay. Je l'ai écrit. Là, l'épisode existe. Hein. Et en gros, l'épisode a été écrit ? Non, il a été écrit, mais il a pas été tourné. Mais oui, il a été écrit. Oui, il a été écrit. Et il a été écrit en entier, parce que des fois on arrivait avec des idées, et des fois on écrivait les épisodes et on les lisait. Écoute, on va l'interpréter maintenant. Non. Je fais gringe. Non. C'était en 2015. Le monde a beaucoup évolué en quelques années. Et non, ça partait du concept que le fils de Forrest Gump. Son père est un peu handicapé mental et sa mère a le sida. Donc fatalement, mathématiquement, il devrait être soit handicapé mental, soit il a le sida. C'est vrai. Et c'était tout autour une discussion de d'où il a pas le sida, le fils de Forrest Gump. On sait pas. Il l'a peut-être pas encore testé. Oui, peut-être qu'il l'a. Parce qu'il dit le petit Forrest va bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, donc il va bien. Il a pas le sida. Après, c'est pas forcément le meilleur juge, c'est quand même Forrest Gump. Quoi. Ouais. Beaucoup de larmes j'ai versé. Je sais pas pourquoi j'ai inversé cette phrase, mais j'ai versé beaucoup de larmes. À la fin, elle était terrible, elle était terrible. Mais ouais, ça a été censuré cet épisode. Et j'avais un épisode aussi avec Alien versus Bill du Big Deal. Voilà, ça je sais pas. Ouais, pareil, qui n'a pas été très loin celui-là non plus. Comme quoi, on a été pas mal. Alors comme quoi, ça existe encore le Big Deal ? Non, ça va sûrement revenir. Tu sais, ils font souvent ça. Mais j'ai vu une news que ça, il en est question que ça revienne, ouais, le Big Deal. Really, mais envoyez ça évidemment. Ouais, Big Deal Reloaded. Mais au cinéma, ouais. Ça ouais, serait télé. Trop bien sur grand écran. C'est Bill du Big Deal Origins. C'est ça. Ouais, c'est comment ça, il est arrivé sur Terre. Ou une tournée en salle comme la Pat Patrouille. Ou comme le Floodcast. Ouais, ouais. Comme la Pat Patrouille et nous, c'est les deux trucs. Tu l'as fait la Pat Patrouille avec tes enfants ? Non, mais le chauffeur de mon tourbus, j'ai dit alors t'étais sur quoi avant et tout. Il dit oh, j'étais en tournée avec la Pat Patrouille. Le chien policier est un fils de pute. Et donc Billy Biggie, t'en avais un truc, Adrien ? Alors moi, c'était une idée sketch que j'avais essayé de. On avait bossé avec Flo notamment sur une émission qui s'appelait Le Tour du Bagel, où c'était des sketchs. C'était toutes les semaines. C'était une heure. Non, 20 minutes de sketch et tout. Et moi, j'avais. C'était à l'époque où il y avait la série Louis de Louis C.K. Et moi, je voulais faire un sketch où c'était une parodie de Louis, mais à la place de Louis C.K., c'était Bill du Big Deal. J'ai trop envie de le voir. Le Big Deal. Et le générique qui faisait Bill du Big Deal. Et après, il faisait du stand-up et tout. J'avais écrit des blagues de stand-up du point de vue de Bill du Big Deal. Et ouais, on m'a dit c'est un peu niche. Bien sûr que non, c'est un peu niche. Vraiment, c'est genre la zone de recouvrement entre les gens qui kiffent Louis et les gens qui kiffent le Big Deal, même qui connaissent. Elle est ultra fine, quoi. Tu viens de toucher la cible en plein cœur. Je suis très heureux de t'annoncer que je vais financer ce projet. C'est parti. Si vous avez 0,6 d'Amazon, vous nous dites. Non, c'est encore mieux maintenant parce qu'en plus la série, elle est plus du tout dans les esprits des gens. Louis C.K. il est cancel et tout. Donc vraiment, il y a encore moins de raisons de la faire. Et Bill est cancel aussi. Bill on a pas cancel. Suivi Bill est très cancel. Toi, Clem, t'as des trucs ? Il y en a un sur la saison 2. En fait, c'est assez marrant, c'est que à la base, donc comme je voulais montrer la création d'un album, la saison 1, je voulais monter en parallèle la création du nouvel album et les archives. Et donc montrer quelque part qu'il passe par les mêmes galères au temps présent que les galères par lesquelles il est passé. Qui en théorie, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et il y a The Last Dance de Michael Jordan, avec Michael Jordan qui est sorti. Donc je me suis dit, ce montage-là, bon, déjà, il vient d'être fait. Mince, bon, tant pis. Déjà, ça te met un petit coup à ton idée. Ouais. Et puis après, on l'a fait, on a essayé et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que t'avais Aurel maintenant. Tu voyais déjà où ça allait arriver, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va prendre ces images et on en fera un petit épisode bonus, un petit épisode spécial. Et donc on a commencé à monter on a monté les premiers épisodes de la saison 1, donc les 6 premiers. Et ensuite on a monté cet épisode, c'est le premier truc qu'on a fait l'année dernière. On a pris quand même 3 mois, je crois, à dérusher, donc tout civilisation et tout. Et on a monté une première version de 60 minutes où là, je me suis dit, c'est bon. Les gens connaissent Aurel, les gens connaissent Abla, Escret, tout l'entourage. Moi, j'ai présenté mon truc, j'ai plus besoin d'être présent. Pas de voix off, pas d'interview. Just rush. Juste du rush, tu sais, un peu le truc un peu poétique. Oui, striptease un peu. Un peu striptease. Ouais. Et c'était nul. En fait, c'était plus. Je fais souvent des comparaisons avec ou de la bouffe ou du sport. Ouais. Enfin, faire une avec de la bouffe. C'est genre. T'as créé ton resto de burgers et en fait les gens viennent et un jour tu fais des sushis. Ouais. Et donc les gens disent mais non mais j'adorais ce burger, pourquoi t'es parti faire des sushis, tu vois ce que je veux dire. Et du coup et c'était vraiment pas bien quoi, en fait il y avait 60 minutes de, c'était un peu c'était striptease quoi. C'est ça, de ça manquait de rythme j'imagine. Il y avait on se faisait chier. C'était pas la même série quoi. Et c'est marrant parce que bizarrement, moi je vais être plus terre à terre des fois. Par exemple, je me rappelle au début, je disais à Clem, je pense qu'il faut que ce soit dans l'ordre chronologique. Là où moi j'étais parti à me dire, je vais faire des trucs thématiques, l'écriture, la célébrité, un épisode, une thématique, des trucs comme ça, un peu radicaux. Tu en avais parlé. Mais comme Bloqué, on a eu le même process au début. Bloqué, c'était juste des phrases qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et un jour, on a commencé à les ranger par thème, par concept. Et on s'est dit, oh, ça marche mieux. Et même avant, on s'est dit, mais peut-être écrivons des épisodes vu que c'est un programme court. Mais je me rappelle d'un texto dont je m'en veux encore, même si c'est pas grave du tout. Genre avant le premier jour de tournage, j'envoie un texto à tout le monde. En plus, j'étais un peu flippé, comme toi, petit mec, tu vois, face à Kian et Navo, tout ça et tout. Et je dis, putain, vous êtes sûr les gars, on fait pas une connerie. La chanson à la base, c'est des discussions à bâton rompu qui n'ont aucun sens. Là, on est en train de dévoyer le concept de base et tout. Et pareil, très mauvaise idée, parce qu'on s'en fout en fait de la chanson de base de l'album des Casseurs Flotteurs, que en vrai, pas tant de monde que ça connaît. Le plus important, c'est de faire des bons épisodes, quoi. C'est des fois, en fait, à vouloir respecter un truc qui est dans ta tête à toi, mais que dont personne n'est au courant, tu fais des trucs. L'épisode final de Bloqué, c'était beaucoup ça. L'épisode final, on s'est pris la tête mille ans. Il y avait un truc, genre, à un moment, c'était une des fins de Bloqué, c'était en fait, c'est des extraterrestres qui observent Aurel et Gringe, qui sont en fait deux humains qui ont été kidnappés pour représenter l'espèce humaine. Et vu qu'ils sont à chier, on va détruire la Terre. Tu sais, il y avait un truc de c'est deux mecs sur un canapé qui racontent c'est de la merde. Et c'était l'idée de Navo, vachement bien, de dire, en fait, non, faut dire que faut reboucler parce qu'en fait, ils sont bloqués et donc en fait, la fin, c'est le premier épisode et ça, c'était galerie quoi. T'allais dire un truc, Adrien, excuse-moi. Non, mais ce que tu disais, c'est le fait de des fois, t'es dans ta tête et tu restes bloqué sur un truc. Et c'est, je trouve que c'est un des thèmes du docu quoi, parce que je trouve qu'il y a un thème, c'est vraiment en fait le talent, ça suffit pas quoi. Il faut être entouré et faut qu'il y ait des gens qui te disent en fait, quand t'es tout seul. C'est trop dur quoi, il faut qu'il y ait des gens qui te disent bah non ça va pas, ça t'as l'impression que c'est une bonne idée mais en fait non et en fait c'est des gens qui sont toi dans 3 semaines quoi tu vois, ou 3 semaines après tu fais putain mais il avait trop raison, c'est nul et tout. Et je trouve que c'est vachement, enfin c'est un des trucs qu'on voyait déjà un peu dans la première on voyait partie, l'importance d'Abla, mais là on le voit vraiment au sein du processus créatif et je trouve ça trop important quoi. Il y a vraiment un mélange subtil de il faut écouter les gens et en même temps des fois t'as une idée, pas les écouter aussi, et il faut pas les écouter mais il faut quand même les écouter. Moi j'ai quand même une règle, je trouve qui marche, mais après c'est perso, c'est que j'enlève quand même grosso modo dès qu'on me dit ça va pas, sauf si vraiment c'est, je sais pas, quelqu'un dont je m'en fous complètement, mais y a pas tant de gens. J'aime bien en fait que tout le monde kiffe. Ça veut dire, je me verrais pas mettre un morceau, genre si Scred ou Ablai ou Clem ou Gringe, il me dit franchement ce morceau il est pas bien, je me vois pas l'imposer, tu vois. Ouais. Je vais me dire comment je vais le rendre bien. Et une fois qu'on est tous d'accord, et c'est vrai que même quand je bosse sur des scénars ou quoi, j'aime bien dire viens, s'il y a une idée vraiment qu'on aime pas, on la garde pas, on en trouve une qu'on valide tous, ouais, tu c'est vois. Ça. Et c'est même, moi je trouve ça assez chouette même de. En fait, ça revient même au plaisir simple de je veux faire kiffer les gens que j'aime bien, quoi. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc de. Avec Adrien, on a écrit pas mal de choses ensemble. C'est juste un truc de. Je veux d'abord le faire marrer, tu vois. Ouais. Et s'il y a un truc où ça le fait marrer, il y a quand même de grandes chances que ça fasse marrer les gens à qui on va le proposer aussi. C'est une des scènes que j'adore d'ailleurs dans le docu, avec quand vous écrivez Casseur Flotteur Infinity. C'est ça, quoi. C'est vraiment genre, on va sortir des notes et on va essayer de se faire marrer avec nos blagues à la con. Et en plus, des fois, c'est. Tu vois, on se fait marrer, mais il y a deux gars à côté qu'on connaît pas, ça les fait pas du tout marrer, mais on s'en bat les couilles. Et en fait, c'est important aussi, c'est ce que tu dis, c'est que faut que ça plaise à tout le monde, mais dans le cercle des gens que t'as choisi, en fait. Parce qu'il y a un truc où, en plus, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis. Et je trouve que c'est vachement important. Moi, je sais que j'ai eu une période où j'ai réalisé ça, ça m'a aidé, de dire, en fait, tu choisis quelques personnes dont l'avis compte, tu te fies à leur avis eux, et tous les autres avis, tu t'en bats les couilles, quoi. Parce que sinon, tu peux pas avancer si tu commences à te dire, ouais, faut que tout le monde... C'est important de se faire un cercle de gens dont l'avis est important, quoi. Moi, là, avant, j'avais ouais, le truc du secret. Tu sais, tu montres pas pour un moment faire tadam, mais toujours un peu dans cette vision un peu qui n'existe pas de un la moment. Sacré de l'artiste, en fait. Ouais, de l'artiste, du produit, du projet. Parfois peur qu'on te vole l'idée ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, de toute façon, même si tu pars avec la même idée un an plus tard, c'est impossible que tu fasses le même truc. Ouais, bien sûr. Les concepts, ils ont déjà tous été trouvés. Enfin, ouais. Tu vois, c'est rare de faire des trucs nouveaux, quoi. Donc, je suis vachement plus décomplexé par rapport à ça. Et maintenant, je montre à vraiment, alors c'est pas une blague par rapport au titre de la série, mais je montre vraiment à tout le monde les trucs. Ce sera le titre de l'épisode. Parce que je me suis aperçu que tu pouvais choper un petit peu de la sensibilité de chacun. Ouais. Et que derrière, si toi tu gardes ton cap, ça t'aide à hop, redresser un peu. Ah tiens, il a pas compris pourquoi. Ah tiens, oui, elle a pas aimé ça. Pour la compréhension, ouais, c'est important. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut un peu profiler les gens avant. Ça veut dire, attends, si je le. Quand ma belle-mère me dit ça, c'est pas la même chose que quand Scred me dit tel truc. Et pourtant, ta belle-mère est beatmakeuse en plus. Oui, c'est très bizarre. C'est vrai. Ouais. Elle produit mes albums d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont jamais sortis. C'est Lady Lefty, ta belle-mère, on peut le dire. Et du coup, et ça m'a vachement aidé. Et je l'ai appris de Christophe Funstein, avec qui je l'ai co-réalisé la série, et qui avait co-réalisé Comment c'est loin avec Aurel. C'est quelqu'un qui a un CV dans le cinéma qui est long comme le bras. C'est quelqu'un qui était directeur photo de beaucoup de films de Guillaume Canet, entre autres. Il a réalisé réalisateur. Des films, il a fait tous les postes de toute l'industrie du cinéma, enfin sur les tournages et tout, quoi. Ouais. Et le jour où je l'ai rencontré, c'était les castings de Comment c'est loin, et ils hésitaient entre deux acteurs pour un rôle, et il me dit qu'est-ce que t'en penses, toi? Et je dis putain, waouh, il me demande mon avis à moi, petit mec, vraiment je débarquais, rien à voir, quoi. Et en fait, je lui ai donné mon avis, et j'ai vu qu'il l'avait intégré, tout ça. Je dis ah ouais, d'accord, même un mec comme ça, genre qui pèse de ouf entre guillemets, quoi, il demande son avis. Enfin, j'avais pas compris au début, je le trouvais juste sympa, et en fait après j'ai dit ah d'accord, en fait c'est pas cynique, hein, mais il prend des infos, il dit ah d'accord, pourquoi est-ce que toi t'as pas aimé, etc., quoi. Et je trouve que c'est assez cool de faire partager comme ça. Je crois que c'est dans Who Story de Robert McKee, le livre de scénar, ou peut-être Save the Cat, je sais plus, où il dit Save the Cat. Si on vous, les producteurs, quand ils vous pointent quelque chose du doigt, ne le prenez jamais mal, c'est que quelque part vous avez fait une erreur. Ouais, c'est ça. C'est peut-être 10 pages avant, c'est peut-être au tout début, c'est peut-être à l'endroit où ils vous le montrent. C'est à vous de trouver la solution, par contre. Ouais. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, quoi. Oui, d'ailleurs, souvent les producteurs, en tout cas, moi, ceux que j'ai croisés, c'est les solutions qu'ils te proposent sont toujours des catastrophes. Ouais. Mais par contre, les problèmes qu'ils ont. Les problèmes existent, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, les problèmes existent, mais personne trouvera la solution à ta place. Ouais, et moi, ça. J'ai toujours rêvé. Après, ça arrive des fois. Des fois ça arrive, mais c'est pas la généralité. J'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un qui arrive, je lui explique mon thème, mon truc, ma chanson. Dit, non, mais là t'inverses ça, tu changes cette phrase, tu mets ça et c'est bon, c'est un hit. Scred, il me le fait un peu, mais même, enfin je veux dire, sur l'écriture, il y a quand même un moment où genre je prends toutes les infos, je suis vexé, je rentre chez moi, je le processe, je continue d'écrire et ah, ça y est, je le débloque, quoi. Oui, puis vas-y, pardon. Non, vas-y, vas-y. Bah, parce qu'aussi, là, j'ai découvert quelque part dans cette saison que Aurel et tout le monde, en fait, tu peux pas le faire à sa place parce qu'il faut que lui soit à l'aise avec ce qu'il a écrit. Ouais. Donc, en fait, comment tu pourrais, toi, lui dire si, tu peux le convaincre, tu peux lui proposer des choses, mais en fait, si lui, il est pas intimement convaincu que ça, il a envie après de le chanter devant 10 000 personnes, bon, bah, tu vois, il y a que lui qui sait, en fait, finalement. Quoi. On a eu des discussions d'une longueur, genre à un moment, chercher une phrase pour. Je sais plus, pour expliquer qu'en fait, dans une équipe, il peut pas y avoir que des attaquants, mais il faut aussi des défenseurs, tu vois. Et Clem, il me dit, ouais, tu pourrais dire, je sais pas quoi, Mbappé, machin et tout. Et je disais, je sais pas, je le sens pas et tout. Il dit, pourtant, je te jure, c'est le bon exemple et tout. Je dis, ouais, je sais pas, je suis peut-être pas assez fan de foot et tout. Il y a un truc qui faisait que, quand je disais la phrase, elle était pas bien. Et toi, tu disais Mbappé, un truc qui marchait pas. Exactement. Ouais. Et ça marchait pas. On sait pas vraiment pourquoi, tu vois. Peut-être parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, ou et peut-être ce serait sorti. et tout le monde s'en foutrait, tu vois. Ouais, et on sait pas. Et mon argument, c'était quand même, non, c'est pas bien. Il y a pas de. Je sais pas pourquoi. Non, il y a une vraie part de feeling, en fait. Il y a une vraie part de où tu dois t'écouter. Et d'ailleurs, tu penses, c'est un peu une question à part, mais tu penses à justement ce que tu disais, Clem, après tu vas devoir la jouer en concert et tout. Est-ce que quand tu fais la chanson, tu penses au concert en disant, ouais, okay, grave. C'est grave. Moi, je pense grave live. Parce que c'est comme ça que je matérialise le truc. Je vois à peu près comment le public réagit. Je vois à peu près le. J'ai méga l'expérience, et puis c'est vraiment ma plus grosse expérience de relation avec le public, quoi. Donc je pense très live, surtout par exemple, je fais des pauses de manière à ce que je puisse poser mes couplets en une fois. Ok. Je veux dire, en live, j'ai pas de. Il y a Abla qui fait mes bacs des fois, tu vois. Mais en gros, je peux à peu près tout rapper mes morceaux, tu vois. Et donc je mets les pauses pour avoir les bonnes respis et tout. Donc ça, j'y pense. Et aussi parce que des fois, enfin, pardon, j'explique juste pour les gens qui savent pas. Des fois, tu peux dans le logiciel de son et de montage rapprocher deux phrases, qui fait qu'en fait, il y a pas de respiration, ce qui marche sur le CD, mais en fait, Aurel pourrait pas le faire en live. Oui, c'est ça, exactement. Mais après, c'est comme tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Il y a quand même un moment où je me dis, ça, c'est pas un morceau de live. Voilà. Ouais. Donc, ne pense pas au live, ne mets pas des gimmicks catchy pour ton public, alors que c'est une chanson sur une manif. Tu vois. Ouais. Si on la fait en live, on verra. Tu vois, mais c'est. Ah, c'est marrant parce que pour le coup, je trouve que sur Manifest, justement. Ah, c'est marrant, c'est une. Oui, c'est le célèbre même que tu fais. Un peu limite. je pense qu'on lui a beaucoup fait. Même pas, j'ai même pas percuté. Non, mais parce que justement, Manifest, moi, quand je suis allé te voir à Bercy. J'étais surpris que tu la fasses en live. J'étais genre, putain, ouais, il part sur 6 minutes là, comme ça et tout. tu te mets une pression à ce moment-là. Tu dis, ok, là, il y a 6 minutes où il faut tenir. Ouais, non, je trouvais que pour moi, c'était une pièce de théâtre, quoi. Oui, c'est ça. Mais il y avait un petit truc où, genre, au début, quand j'avais du mal à prendre mes textes pour le live, j'avais manifesté l'odeur de l'essence à la suite. Oh, et je savais que je partais dans un tunnel. Mais beaucoup de mots, grave. Mais justement, je me disais, ah, j'ai envie qu'à ce moment-là, le public soit plus dans. Ouais, il soit au théâtre, quoi. Il regarde. Limite il se dit c'est un peu long, je sais pas, c'était la volonté au bar. Alors dans le documentaire, ça parle du coup, bah, c'est ce qu'on disait là, un peu des démos rejetés, des chansons qui vont pas au bout. Et je vous propose un petit jeu, alors qui n'est pas un jeu de moi, hein, qui est un jeu d'Adrien Méniel. Je suis navré. C'est vraiment. Donc, c'était pour dépanner Flo hier. J'étais dans la mouise et il est venu m'aider, ce qui est quand même très sympa de sa part. Je vais vous donner, alors je vais vous donner des titres de. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Vas-y, fais-le comme non, tu non, veux. Non, je vais vous donner. En gros, on va vous faire écouter des démos, de démos. D'accord, des débuts. On va les couper assez tôt parce que dès qu'il y a la voix, vous allez savoir si c'est des vraies ou des fausses. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de deviner si c'est des vraies démos ou des démos créées par Adrien Méniel. Chansons qui parlent du jeu Donkey Kong Country. Voilà. C'est ça, une vraie maquette d'artiste qui a pas été sur l'album. Une chanson que j'ai fait hier et qui parle de Donkey Kong Country. Quoi. C'est ça. Vrai, je pense que même sans les paroles, vous allez comprendre, voir tout de suite que bah oui, c'est toi qui as fait ça chez toi. Est-ce qu'à votre avis, c'est une démo qui existe ou est-ce qu'elle a été créée par Damien et elle parle donc du jeu vidéo Donkey Kong Country sur Super Nintendo 64. Sur... Je pense qu'elle existe. Ouais. Ça existe, ça. C'est le monde de l'eau, sinon. Ça pourrait être. Toutes les bananes. Par les méchants appelés Kremlins. Le mot Kremlins est copié sur Gremlins. Si vous voulez mon avis. Donc ça a été créé. Tu m'as eu avec la petite ambiance. Ouais, moi j'ai créé. 80's. Ok, je vous en fais écouter une autre. Ah non, trop d'effets. C'est trop produit. C'est une vraie ? XXXTentacion, c'est une vraie, non ? Et bien écoutez, mais c'est vrai. C'est une vraie. C'est une vraie, ça s'appelle Bad Company et c'est une chanson de Billie Eilish. Ok. Donc il y a étrangement la même voix qu'Adrien. C'est vrai. Est-ce qu'il serait pas en train de parler de Donkey Kong Country? Peut-être. Connaissant Billy. Je monte sur un rhino. And it's based on the Gremlins. Wow. Attention, nouveau son. Un peu Monsieur Oiseau. Elles vivent pas dans le même monde que nous. Alors, c'est une vraie démo. Vraie démo. Vraie démo. Okay.

peut aider à avoir des idées, que c'est l'importance de l'oisiveté dans la création de choses comme ça. Est-ce que, parce que en l'occurrence dans le documentaire, mais même toi Clem, en vrai t'as enchaîné les deux docus coup sur coup, t'as pas arrêté. Toute la deuxième partie de Monte Jamais ça à personne, c'est aussi parler du fait que t'as jamais stoppé Aurel sur les deux derniers, entre La Fête est finie et Civilisation, il n'y a pas eu vraiment de pause. Ouais, je crois que j'ai pas fait de pause depuis 20 ans en fait. Ouais, c'est ça, t'as pas vraiment arrêté. Est-ce que tu penses que tu peux avoir besoin quand même des fois de rien foutre pour recharger les batteries, ou est-ce que tous les artistes sont différents, tu penses? Je pense que oui, forcément, il y a une part où t'as de l'inspi dans l'ennui, quoi, c'est sûr. Des fois, j'ai envie des fois de faire des grands voyages en train, ou des grands périples, ou des randonnées où genre tu marches et l'inspi vient. Mais moi, en fait, ma façon de bosser, elle est que je bosse sur plein de trucs en même temps, et notamment des fois quand je fais un album, sur plein de morceaux. Donc en fait, ça crée une sorte de truc où j'en laisse un de côté pour repasser sur l'autre. Et donc en fait, je suis toujours en train de travailler, mais je m'ennuie de l'autre morceau. Je sais pas comment expliquer. Non, mais moi j'ai exactement la même chose. Ouais. Et en plus, il y a le plaisir de retrouver ensuite un des projets que t'as mis de côté. Du coup, t'es re-excité. Ouais. C'est comme avoir plein de copains, je trouve. Si tu traînes tout le temps avec le même pote, au bout d'un moment, t'as plus grand chose à lui raconter. Mais ouais, si tu vas. Tu peux me dire directement. Au lieu de faire des métaphores. Tu vois, si tu fais 7 dates de spectacle au hasard avec un gars. Non, mais tu vois, et du coup, t'es content de retrouver comme à l'école, quoi. Tu vois, après les vacances. Enfin, il y a un truc un peu, je trouve, cool de ouais, passer exactement. Souvent de. Mais par exemple, toi, Clem, quand t'as enchaîné les deux docus, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ton cerveau il explose de voir tout le temps des archives de ton ref et de. Si, un peu. En plus, je tournais pendant que je montais. Enfin, je tournais la deuxième partie, enfin, les coulisses de Civilisation, pendant que je montais l'autre, quoi. C'est ça. Et puis, je parlais toute la journée d'Aurel, parce qu'en plus, avec les monteurs, notamment, le travail, ou avec Marie Corberan, la documentaliste, le travail, c'était de discuter beaucoup. Il y a plein de trucs qui sont passés dans la cuisine, qui est de l'oisiveté. Ouais. Mais où je les abreuvais d'anecdotes, d'histoires. Ah tiens, mais oui, au fait, c'est vrai, on était passé à cette émission de télé-là, j'ai oublié, est-ce que tu peux le retrouver? Ah, mais je vous ai pas raconté, genre par exemple le fait, ça c'est dans la saison 1, mais que Gringe ait repris le taf d'Aurel. Quand j'ai dit ça, je l'ai dit au bout de à l'hôtel. Je l'ai dit, je sais pas, on l'a découvert au bout de, enfin les gars l'ont découvert au bout de 8 mois, un an. Et Hugo il m'a dit mais c'est trop marrant. Je dis ah ouais non c'est anecdotique. Il me dit mais non mais t'es à ouf, c'est trop marrant. Surtout il reprend le taf d'Aurel et il se fait virer au bout d'un mois. Donc c'est genre c'est vraiment parfait pour notre personnage entre guillemets quoi. Et donc on a rechangé le montage de l'épisode 1 pour mettre cette anecdote. Ouais. Donc en fait c'était beaucoup discuter, ouais. En fait c'est, moi je dirais que c'est plus avoir le temps. Que se donner le temps et avoir le temps que de rien foutre entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Parce que avoir le temps, ça, tu vois, si on était, je vois par exemple moi j'ai bossé en télé et il y avait des chaînes d'infos en continu. Et là, t'as le temps de rien, en fait. Faut que tu produises des sujets. Donc, tu vérifies pas les infos. Donc, tu fais des erreurs. T'as pas le temps de te renseigner, de prendre un petit angle un peu décalé, tu vois. Et la production, au sens vraiment finir un truc dans les temps et tout, c'est les deadlines, c'est important. Ouais. Mais des deadlines qui sont... Oui, qui c'est tout le sujet de Scred dans le docu, d'ailleurs. C'est de dire, les deadlines, c'est capital. Les deadlines, c'est capital, mais il faut pas non plus que ça devienne la raison pour laquelle tu fais les choses, en fait. Enfin, oui. C'est toujours assez fin, hein, c'est un équilibre. Oui, non, mais bien sûr. Mais faut pas sortir un truc nul à chier juste parce qu'il faut le sortir. Oui, c'est quoi. Ça. Mais faut le garder en tête tout le temps pour être sûr de le faire. Oui, à exactement. Temps, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on prend finalement quand même le temps. Tu vois, ça veut dire un morceau, je le réécoute 6 mois plus tard, j'ai une vision dessus, je modifie des petits trucs et quand même ça se fait avec le temps. Le seul problème d'avoir plein de projets comme ça, et en plus je trouve ça vachement sain de. T'as un projet de film, à côté t'as un projet de sketch, à côté t'as un projet d'appli ou t'as un projet, tu vois, je veux dire, ça reste quand même la même réflexion en fait. Le seul problème de ça, c'est quand tu dois tout rendre en même temps et là tu fais un burn-out. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment... le mini souci. C'est ce qu'on voit un peu, sans spoiler, mais en spoilant complètement. Je suis pas passé loin. Ouais. Et toujours pas loin. Parce qu'en fait aussi, on est dans des métiers où il y a 95% des trucs que tu fais pas. Enfin, tu vois, qui ne sortent pas, qui ne se font pas, parce que des fois, c'était une idée comme ça, quelqu'un que tu as rencontré. Et il y a de temps en temps 4 trucs qui se font en même temps. Et là, c'est le coup de chance ou de pas de chance. Et du coup, là, tu dois tout finir. Bah, l'année où je vous ai rencontré, c'était bloqué, commencer loin, l'album de commencer loin, ça n'avait aucun sens. C'était. Ouf. Vous n'arrêtiez pas, quoi. Ouais, et puis à côté, tu as tes trucs perso qui te rattrapent et tout. Moi, je bossais à Canal en même temps. Je posais des congés pour écrire bloqué. Je venais d'avoir mes premiers enfants. J'ai l'impression que j'avais 17 ans. J'avais eu mon deuxième enfant. Ouais. Et c'est vrai que ouais, vite. Mais bon, tout le monde a ça, ces problèmes-là, c'est sûr. Ouais, mais ouais. Nous, c'est il y a beaucoup de, enfin, dans les métiers artistiques, on va dire, il y a quand même beaucoup de trucs en suspens qui peuvent ne jamais arriver ou tout en même temps. Tout en même temps. Ou ouais, c'est ça, un spectacle et un film qui sortent les 2 le 12 octobre. Donc ça, c'est de la, c'est perso, c'est de la promo. Toi Adrien, est-ce que c'est un truc, j'ai l'impression que toi t'es un petit peu plus dans un truc de, t'as quand même un peu besoin parfois de poser les choses. Enfin, moi j'ai l'impression quand on a travaillé ensemble, il y avait un peu ce truc là où moi je suis un peu un foufou qui fait 1000 choses et je sais que moi par exemple, j'aime beaucoup écrire des trucs en sachant que les 3/4 vont aller à la poubelle, quoi. Je suis un peu l'inverse de ce que tu disais de, non mais je vais faire un truc parfait et leur montrer. En fait, j'ai eu trop d'expériences où ça m'a fait trop mal de dire ok, là je vais vous le montrer. Ah, vous avez quand même des choses à dire. Putain, j'ai vraiment bossé de ouf. Maintenant j'ai tendance à dire non, allez vas-y, on bosse. Et là t'en penses quoi? Ah, ok, c'est nul, ça vas-y, je refais. Enfin, toi j'ai l'impression que t'es un peu moins là-dedans, j'ai l'impression que t'es plus Ouais, mais je pense que c'est en ça aussi qu'on est assez complémentaires quand on bosse sur des trucs genre sur la tournée et tout. C'est que c'est vrai que moi je suis plus je suis pas genre je fais plein de trucs et je suis plus à sortir un truc sur lequel je me suis pris la tête et je suis pas dans la quantité et tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc dont on parlait, j'aime aussi prendre le temps, enfin je sais plus, j'avais entendu ça dans un podcast ou un truc comme ça, quelqu'un qui disait qui faisait une métaphore sur les jeux vidéo où tu sais tu joues un jeu et t'arrives pas à passer un niveau et bah il y a cette métaphore mais je l'avais aussi entendu avant, mais c'était tu te prends la tête, t'y arrives pas et tu fais ah vas-y putain, tu vas te coucher, t'es vénère, et le lendemain matin tu reprends la manette, tu basses, l'éclates, c'est un premier coup quoi. Et il y a vraiment ça dans la création artistique aussi où tu sais tu fais tu dis putain c'est de la merde et tout et tu t'es vénère et tu reviens quelques heures après ou un jour après et en fait c'est direct, ça marche. Et en fait c'est aussi le truc, bah en fait ça, on en revient toujours à ça, mais faut faire de la merde pour parce que cette merde c'est la base du truc bien d'après quoi, tu vois. Et du coup c'est vrai que moi aussi je prends aussi mon temps parfois où on a l'impression que je fais rien, mais en fait c'est juste que bah des fois faut laisser le cerveau en arrière-plan bosser mais effectivement ouais, c'est, je pense que c'est en ça qu'on est complémentaires et que ça marche, c'est que toi tu fais et après moi je peux dire faire un petit ajustement et au final on trouve le bon équilibre en fait que... Et moi j'ai pas d'égo du tout aussi à ce qu'on me dise c'est nul quoi. Enfin j'ai un truc un peu de, il y a un peu un truc de on est ce que tu dis, on est dans la cuisine. Donc tant qu'on est dans la cuisine, je peux mettre trop de sel ou tu vois, j'en s'en bat les couilles. Ce qui est important c'est que quand ce soit servi au resto, que ce soit bon quoi, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, par rapport notamment au téléphone, au réseau ou même aux petits jeux sur le portable et tout, j'essaye de... Là, je me suis autorisé cet été, j'ai joué à un jeu de tennis sur mon téléphone, mais parce que vraiment, j'avais besoin de me vider le cerveau. C'est Tennis Clash ou pas? Ouais. T'as eu 12 pubs sur Insta et finalement, tu l'as... J'ai craqué de ouf et j'ai réussi à pas dépenser 1€, je suis très, très fier de moi. C'est ça le vrai jeu de ces jeux-là. C'est de pas dépenser de l'argent. Moi, j'avais ça avec la ville des Simpsons où il dit, si tu mets 1€, t'as toute la ville d'un coup. Fait, non, je vais me taper 12 pubs. Et du coup, j'ai décidé vraiment de me vider le cerveau et je pensais à rien, je faisais juste des revers et des coups droits, ping, ping, ping. Mais là, parce que j'en avais un peu besoin après 3 ans à faire que penser tout le temps. Mais c'est vrai que par contre, j'essaie de maintenant même de me forcer à pas me remplir le cerveau avec Insta, truc et tout, parce que t'en sors pas grand chose quand même. Je le fais, je vais pas faire. Moi, j'ai enlevé Insta, Twitter et toi, tout pendant ça. La création, t'as tout. Et même là, j'ai tout enlevé. En fait, il y a. En plus. Tu sais, j'en parle souvent avec tout le monde qui est sur Insta, tu te dis tout le temps, non mais moi je fais ça pour être au courant des tendances, pour être connecté, pour voir les derniers trucs, mais en vrai, oui, un peu, mais connecte-toi une fois par mois, ça n'a pas changé. Parce que les vraies tendances qui restent, elles seront toujours là dans un mois et t'as pas besoin d'être là tous les jours, quoi. Ouais, grave, ça n'a pas changé. Et puis, je trouve, moi, ça me pollue plus quand je suis en train d'écrire, quoi. C'est vraiment, j'ai trop d'infos, trop de trucs. Même, je regarde pas trop les infos et tout. Je préfère que les infos, elles viennent à moi parce que sinon, c'est trop. Moi, je m'inquiète de tout. Tout devient une montagne. Moi, je me suis rendu compte de ça cet été où, pareil, j'ai coupé Insta cet été. Moi, j'y suis beaucoup. Enfin, j'y étais beaucoup. Et c'est vrai que tu mets pas mal de commentaires. et ouais, je me suis rendu compte, en fait, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, c'est trop de stimulation, en fait. T'as toujours des trucs, t'as un truc qui t'énerve, t'as un truc qui te fait marrer. Et en fait, ça te brûle le cerveau, quoi. C'est trop. Et franchement. Les tendances Twitter restent pour moi le pire truc, quoi. C'est-à-dire que tu vas sur Twitter. Moi, j'ai supprimé. Non, mais Twitter, bien sûr, mais c'est vrai que tu vois les tendances et t'as que des mots-clés, mais qui te glacent le sang. T'as même pas besoin de cliquer, tu vois, pour comprendre que l'état du monde est catastrophique. Et après, tu dis. mais d'où je vais créer des trucs vu que le monde est dans le bordel. Et là tu rentres dans un immeuble et sur les boîtes aux lettres il y a marqué Hitler, Poutine. Non, c'est bon. J'allais plus loin. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est pas genre on me dit un truc et je fais ah oui, sympa. C'est genre tout me touche, tu vois. Mais c'est ça. Ouais, c'est que moi, je peux rien faire. Si vous voulez un petit tips, j'ai un iPad, j'ai Insta sur l'iPad et j'y vais genre une fois de temps en temps. Comme Flo. Incroyable. Ah, comme on en a parlé, j'ai la même chose. Les réseaux sociaux sont sur l'iPad. Ouais, moi, et je traite les réseaux sociaux comme tiens, je vais me mater un film dimanche. Ouais, je fais une heure d'Insta, je redécouvre oh sympa, j'y ai pas été, ou quand je dois poster un truc, tu vois. Mais il faut que j'y aille, c'est pas lui qui oui, vient. C'est ça qui est dans ton téléphone. Mais surtout que moi, pour avoir bossé avec des gens chez qui c'est très présent, c'est vraiment un réflexe, quoi. Tu vois, ils sont sur leur portable, c'est comme regarder l'heure, mais ils checkent Insta, quoi, tu vois. Parce que vu que maintenant, en plus, Insta, t'as les messages, donc ils l'utilisent aussi comme un truc de texto, enfin, tu vois, donc du coup, t'es tout le temps sur l'appli, quoi. Mais à la différence, moi, je trouve que quand t'es dans un truc de création, mater des films, je sais pas si c'est pareil avec écouter de la musique, ça, je trouve que c'est par contre méga stimulant, quoi. Je sais pas si vous avez ça. Toi, t'as maté des docus, d'ailleurs, avant de préparer celui de. Moi, petit secret de fabrication, mais en fait moi les influences du docu, c'est 4 docus à peu près. C'est Dig, qui est un documentaire qui est sorti en 2004, où c'est une réalisatrice, je sais plus son nom, qui avait suivi 2 groupes de rock. Vous l'avez déjà vu? Non, c'est non je connais pas. Un groupe qui s'appelle Dandy Warhols, et un autre qui est assez connu, qui a fait un bon parcours, et un autre qui s'appelle Brian Johnston Massacre, qui est surtout un mec. Et il y a un groupe qui prend un peu la voix de l'industrie et qui fait carrière, et l'autre qui est un ouf complet de qui se drogue et tout, et qui à chaque fois il a une opportunité de signer un deal ou machin, s'explose en plein vol tout seul. Donc c'est assez chouette. En plus, en grandissant, j'ai changé de perspective. Au début, j'ai dit, les vendus, ils ont pris la voie de l'industrie, et puis après j'ai compris que au moins eux, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Enfin bon, voilà. Il y a ça, il y a Defiant Ones, l'histoire de Dr. Dre et Jimmy Iovine. Ouais. Qui est hyper cool, qui était très très bien fait. Il y a Movies That Made Us. Oui, dans le côté un peu mettre des shutterstock, rendre vivant, motion design et tout. S'amuser un peu, bricoler et tout. Mais c'est cool, et faire des vannes dedans. Ouais, et tout. C'est ça qui est cool dans vos docus aussi, c'est que c'est gaulerie, quoi. Enfin, c'est divertissant, quoi. C'est vraiment. Bah ça, c'est Aurel qui me l'a appris quand même, même quand on avait fait des trucs sur Combini il y a 10 ans. Moi, je voulais des trucs hyper sérieux, j'étais journaliste, quoi. Donc assez sérieux, apprendre des choses et tout, tu vois. Et en fait, Aurel m'a fait comprendre qu'en faisant des trucs fun, ça passe beaucoup mieux. Ce qui est complètement Et cool. Ça rend pas moins sérieux ton propos, en fait. Et il m'a même fait remarquer dans tous les grands films, enfin dans énormément de grands films, souvent les dialogues sont marrants, enfin marrants dans le sens c'est fun, quoi. C'est rare, ludique, mais, et t'as toutes les émotions, surtout ça c'est vrai, c'est qui me l'a appris, t'as toutes les émotions, tu vas certes pleurer, mais tu vas rire, tu vas être gêné, enfin voilà, c'est faut savoir manier un petit peu tout pour faire un truc complet, quoi. C'est vrai que si t'es sur une mono émotion pendant tout le film, tu te fais chier, quoi. Et t'en avais dit 4, t'en as 4. Ouais, je pense que je me suis beaucoup avancé. Mais c'est marrant, tu parles de Dig. Si vous aimez le stand-up, il y a un peu l'équivalent dans le monde du stand-up. Alors putain, je crois que ça s'appelle Comedian. Je crois que c'est sur Netflix. Avec Seinfeld. C'est sur Seinfeld. Et Orny Adams. C'est ça. Et c'est un peu le même délire dans le côté. Il y en a un, c'est Seinfeld. Et l'autre, c'est un gars qui a un peu la rage. Et qui est. Et calmelon en plus. Et calmelon. Par rapport à son statut qui est pas. Et qui réussit pas de ouf. Et du coup, c'est super intéressant aussi. Alors c'est un peu glaçant des fois. Moi, souvent. En fait, c'est Seinfeld qui revient, je crois, dans les comedy clubs. C'est ça. Alors, après avoir en gros, il dit vas-y, je repars de zéro, entre guillemets, parce qu'évidemment, il repart pas de zéro. Mais il revient dans les comedy clubs en disant vas-y, je refais le parcours, machin. Après avoir fait 8 ans de Seinfeld, je refais le taf d'aller dans les comedy clubs, faire mes trucs et tout. Et c'est en parallèle avec le gars Orny Adams qui, lui, est justement au vrai début de. Il fait des comedy clubs à fond et tout. Et c'est vachement intéressant. Et malheureusement, le mec est un peu devenu une vanne dans le stand-up, je crois, le gars. Parce que, en fait, le gars, il dit, mais moi, je suis le meilleur, je vais cartonner. Et tu sais, il fait un peu sa diva et tout. Et ça ne donne pas une image de ouf au gars. Et puis c'est terrible, parce que du coup, ils te mettent des extraits. Et en plus, c'est pas le truc le plus gaulerie de la Terre. quoi, donc c'est, et en plus, le truc, c'est qu'à côté, t'as Seinfeld qui est la plus grosse star et qui, du coup, est genre, se la joue hyper humble et tout. Donc, le mec, c'est horrible pour lui, quoi. Une cata. Mais c'est intéressant. T'as le Billie Eilish qui était sur Apple, qui est très cool aussi. Ah, je l'ai pas vu. Qui est très bien. Alors là, pour le coup, c'était un peu mon fantasme du docu sans voix, où on te pose des trucs. Ouais. Et il était assez classe parce que moi, j'aime bien quand les docus ou les biopics sont sur autre chose que juste le parcours d'un ou d'une artiste. En fait, ouais. Et là, ça parle en gros de passer à l'âge adulte. Elle passe son permis vraiment dans le doc et tout. Il y a son père qui la voit. Bon, je spoil de ouf, mais c'est pas un spoiler. Elle grille un feu, voilà. Et son père, c'est le cliff de l'épisode 2. Il est orange. Oui. Et son père la voit partir comme ça. En fait, tu dis, ah ouais, toute Billie Eilish qu'elle est, en fait, à un moment, c'est une jeune fille de 18 ans qui passe son permis et son père la voit partir. Il sait pas trop où. Ouais. Il aimerait bien la traquer, mais tu vois. Oui, c'est ce mélange d'artiste vraie vie qui est super. Ouais, c'est intéressant. Ça, parce qu'en fait. Bah, c'est, on est c'est... encore dans la désacralisation. Ouais, hein, ouais, ce grave. Vous avez vu aussi celui sur Metallica? Ouais, c'est un monster. Celui-là, il est cool. Un peu glauque, mais il est vraiment bien aussi. Ouais, quoi. C'est un bon délire. C'est ça. Mais je trouve qu'en plus, ça te donne, et ça me l'a un peu fait aussi, puisque j'avoue, moi j'ai réécouté un peu Civilization après avoir maté le docu. C'est vraiment un super truc de pouvoir réécouter l'album en ayant connaissance. Ouais. Je sais pas si ça abîme, tu vois ce que je veux dire, le côté magique d'un album. Ouais. Mais je trouve que ça donne une autre vision. En tout cas, ça m'avait déjà fait ça sur l'album. Donc c'était Saint Anger, je crois, de Metallica. Mm. Où d'un coup, en fait, tu te dis, je vois tellement la souffrance derrière que c'est fou que déjà que cet album existe. Enfin, tu vois, t'as un truc de. Et là, il y a un peu ce truc-là aussi dans Civilization où tu te dis, mais d'où Civilization, c'est celui sur lequel t'as le plus galéré alors que c'est une espèce d'en. Enfin, moi, c'est une chanson que j'adore. Et enfin bref, c'est un truc que t'étais conscient toi de ce truc là sur le moment? Bah moi je me suis toujours dit j'aimerais que les gens se prennent les chansons comme moi je me les prends. Ouais. Ça paraît un peu égocentrique comme ça, mais parce que vraiment les chansons d'Aurel me touchent de ouf, j'adore, tu vois, et tu les redécouvres et elles mûrissent avec le temps, tu vois, en tapant les sous-titres de Shonen, parce que donc à un moment on voit et on vit entre guillemets Shonen. Oui, tu mets les paroles en plus. Je mets les paroles, des fois je les mets quand elles sont vraiment importantes et j'ai envie que les gens les lisent. C'est assez bizarre l'attention en fait, tu fais plus d'accord. Attention aux paroles quand c'est écrit. Et je me disais oh, tu vois, il était avec une petite pipe et un scotch. Quel bon mot. Son nez dans le verre là. J'ai regardé Federer Nadal. Quelle élégance. Oh, il a quand même du punch. et du coup, c'était mon but parce que je me disais, ah, moi je vois à peu près à quoi il fait référence tout le temps et tout, par quoi il est passé, donc ça, je me dis, ah, j'aimerais bien pouvoir apporter cette émotion là aux gens, quoi. Donc j'espérais que ça fasse ça sans désacraliser pour le coup trop, tu vois. Non, ça donne une autre vision en fait, c'est ça. Ouais. Que je te dis, c'est que tu dis non seulement, en plus c'est bien de l'avoir sorti longtemps après, ouais. Enfin, longtemps, l'album a ça quand même bien dommage tourné. Dommage que ça sorte en même temps. Exactement, là dans ce cas-là, je suis d'accord, il y a le truc, mais là les gens l'ont déjà bien. On a vu les chiffres, les gens l'ont quand même bien écouté. Donc c'est cette image-là qui est cool. Parce qu'en plus, ce qui est difficile dans Some Kind of Monster, c'est que les gens n'aiment pas trop l'album en plus. Ouais. Là en l'occurrence, c'est un album. Enfin, Civilization, c'est un album qui a été beaucoup écouté, donc c'est trop cool d'avoir cette vision-là. Toi, est-ce qu'à un moment tu t'es dit. T'en avais conscience de ce truc-là? À un moment, tu t'es dit, est-ce que c'est pas un peu dommage que les gens ils voient vraiment tout le making of de comment la chanson non, s'est faite? Non, je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. Ouais. C'est pas, justement, c'est marrant, des fois je fais des interviews où ils disent c'est fou, tu te montres vraiment en normal sous ton vrai jour et tout. Et genre, d'abord j'ai fait, oh, à un moment on le voit en pantoufle. Ouais, c'est ça. J'imaginais pas qu'il en mettait, putain. Ouais, et moi ça me fait rien du tout. Ouais. Au contraire, je suis content de partager. C'est pas. Après, il y a quand même. Une fine ligne, tu vois, où on se dit, bon, là, ça fait pas rêver, tu vois, je sais pas. Après, quand je me vois, en vrai, la première fois que j'ai vu les images, quand je suis un peu en train de faire le foufou devant. Moi, je me visualise pas comme ça, je suis dans ce que je suis en train de chanter, j'imagine le truc fini. Quand je me vois en train de chanter de la merde, j'ai un mini frisson de honte. Mais je suis content de partager ça. En plus, voilà, franchement, j'ai confiance en moi maintenant. Je suis content de ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de. Au contraire, limite, je trouve ça cool. En fait, limite, c'est ma façon de me la raconter. Tu vois, c'est genre, ouais, regardez, je suis normal. Ça rentre complètement dans mon concept. Tu vois, ouais, c'est ça. Et j'arriverai pas à faire autre chose en vrai. Si genre. Fallait par exemple Scred, des fois il va dire, ouais, là Clem tu peux pas filmer et tout, viens on range et tout un peu quand même. Faut que les voix quand même faut que les gens ils voient qu'on est un peu cool et tout machin, tu vois. Et je pense le juste milieu marche, mais ouais. Ça je me pose pas la question. Après des fois je vois les images, je me dis j'aurais peut-être pu mettre moins de canettes. Moi la scène où Scred découvre le studio et il est effondré, c'est une de mes scènes préférées. Quoi. C'est galerie, surtout dit, bah, y a rien pour s'asseoir. Vraiment, on dirait un daron qui arrive chez à l'appart de son fils et fait bon voilà. Il a laissé le linchal dans la machine, ça sent mauvais. Il y a que des verres coquettes chez McDo, il n'y en a pas des vrais. Et moi j'étais tellement dans mon kiff que je me suis même pas rendu compte. Je l'ai vu en revoyant les images. Je me suis dit, il a trouvé mon studio archi pété. Ouais. Alors que moi dans ma tête, je me suis fait un endroit de rêve Batcave, pour bosser. Oui, mais ça, moi je sais que j'ai ça aussi, c'est l'amour de l'aspect un peu charclos des fois aussi. Moi j'aime bien être dans. Non, mais tu vois, j'aime bien être dans une ambiance de temps en temps. Par exemple, moi quand ma meuf est pas là, bon maintenant j'ai un enfant, c'est plus difficile, mais quand ma meuf était pas là et tout, d'un coup je redeviens vraiment un gars de 15 ans et genre je me couche. Pour être venu quand ta meuf était pas là, je confirme. Non, mais tu vois, genre je me couche à 5h30 du mat, mais genre c'est kiffant. Tu fais des devoirs de maths et tout. Ou il les fait pas. Je me fais tabasser dans la cour de récré. C'est vraiment. Non mais tu vois, il y a un espèce de truc où je me sens bien dans l'aspect un peu pas ouf quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est pas de la complaisance, mais ça me rappelle des moments cool et j'ai l'impression que ça me met en mindset à l'époque où c'était un peu pas pur, tu vois, mais où c'était pas un travail, où c'était un kiff, je sais pas si. Non mais il y a aussi un côté où t'as pas peur d'abîmer quelque chose qui est important aussi, je trouve. Enfin, pour se sentir bien, il faut que tu te dises j'ai pas peur d'abîmer les trucs, tu vois. Donc il faut, je trouve, un bon équilibre entre c'est stylé, mais en même temps j'ai pas peur de, tu vois, si je fais un geste, je vais faire tomber un truc. Ou ouais, exactement, grave. C'est comme par exemple, je suis pas à fond dans les bagnoles, j'aime pas trop conduire et tout. Je me suis des fois on me rentre dedans ou genre j'ai déjà éclaté ma bagnole, ça me fait rien, tu vois. Ouais. Ça m'a. Enfin, mais même suis... à l'époque même où à l'époque... on n'avait pas de thunes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est on s'en bat. Ouais, justement, notre daron, il arrivait dans notre boîte, il a dit, mais regarde-moi ça. Il y a des bouteilles de coca je vide. Je me suis toujours dit, je ne laisserais pas des trucs comme ça me niquer ma journée. Ouais, mais c'est comme les gens qui disent faut enlever les chaussures ou faut mettre les patins et tout, ou alors faut mettre des sous-verts. Et tu sais, tu te dis, mais c'est horrible, t'as peur de tout casser chez toi. Enfin, tu sais, tu peux pas être bien, quoi. Mais c'est ça. Ouais, et puis le truc, moi j'ai ma voiture est toujours à Canal Plus, hein, je le rappelle. Hein, c'est le fil rouge de cette émission. Il y a 7 ans, j'ai garé ma voiture dans le parking de Canal, qui est une merde, c'est une Kangoo. Et après, je l'ai laissé. Wow. Et un jour, Anne Hidalgo a dit en fait, les voitures d'avant 2000, elles peuvent plus rouler dans Paris. J'ai fait, je peux même plus la sortir. Et puis après, je travaillais plus à Canal, enfin, j'avais plus de badge. Et j'ai fait, je vais la laisser là-bas. Il y a peut-être un écosystème, il y a des singes. Non, mais genre, il y a des trucs dans le coffre et tout. Je sais pas, je sais plus ce qu'il y a, mais faut. Bah, peut-être qu'il a été squatté comme et ma voiture. Si tu faisais gagner la Kangoo dans le podcast. Ça pourrait être un jeu. Mais faut aller la chercher à Canal, quoi. Ouais. Parce que même ça, moi, je fais, je vais prendre des mecs genre. Des mecs qui prennent les carcasses de bagnole et tout, sauf qu'ils peuvent pas, quoi. C'est un parking privé. Bon, bref, c'est le bordel. Donc, est-ce qu'un jour cette voiture sortira? Un Bolloré, là. Si tu nous écoutes, fais quelque chose pour la Kangoo. Non, tu sais que c'est marrant quand je disais se prendre les chansons comme moi je me les prends. Aurel, il dit dans Soleil du Monde Autour, en chaussons dans mes crocs. Et en fait, vraiment, si tu fais pause sur un plan, à un moment, il a vraiment des chaussons et des crocs. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est des petits détails. C'est pas forcément comprendre l'alpha et l'oméga de chaque texte. Ouais. Mais vraiment, quand Aurel, il est en chaussons dans mes crocs, vraiment, il est en chaussons dans ses crocs. Ce qui est galerie en plus. Pourquoi est-ce qu'il a et des chaussons et des crocs? Pour avoir chaud. Bah, bien sûr. Et en même parce temps, que c'est surtout, j'ai la flemme d'enlever les chaussons pour mettre les crocs. Donc, je les mets directement. Et est-ce que, parce que comme je dis, vous avez pas mal enchaîné, c'est quoi la place du recul dans ce que vous faites? Parce que toi, Aurel, mine de rien, t'as quand même toujours un peu de recul avant de. Par exemple, je pense au casseur-flotteur. Tu parlais d'une époque, mais qui, mine de rien, t'avais vécu il y a déjà quelques années, donc tu te remets un peu dans le bain de trucs. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'au contraire, des fois, par exemple, toi, dans le docu, tu étais que dans les images d'archives, mais là, d'un coup, dans Civilisation, t'es dans un truc très présent. Est-ce que ça change ton mindset? T'as fait les deux en même temps, donc t'as un peu répondu à la question déjà, mais est-ce que t'es obligé de te dire, non, là, c'est pas la même façon d'aborder les images, il y a du contexte? Je voulais qu'il y ait une évolution. Par rapport aux épisodes précédents, donc je savais que de toute façon je savais mieux filmer déjà, l'habitude, ça faisait maintenant tu vois 15-20 ans que je filmais et tout, donc je savais mieux filmer, mais je savais qu'il fallait aussi filmer un petit peu différemment, fallait faire évoluer les choses. Ça, c'est Aurel qui me l'a appris, quoi. Si tu restes toujours, si tu t'appuies tout le temps sur la même note, les gens au bout d'un moment ils s'ennuient, quoi. Donc faut réussir à évoluer un petit peu sans changer complètement ce que t'es, donc ça c'est pas facile. Et le recul, encore une fois, la solution c'est de montrer, de demander aux gens, quoi. En fait, moi, il y a beaucoup de choses que je prenais pour acquises. C'est les monteurs, c'est ma copine, c'est ma belle-mère, c'est mes parents. Ils peuvent te pointer du doigt un truc qui pour toi est devenu hyper naturel. Bah, c'est ce qu'on disait un peu sur les autos. Quand tu es ta propre référence, déjà, il y a des trucs qui te paraissent logiques, alors qu'ils ne sont pas du tout pour les gens. Et d'autres choses où en fait, tu as un petit trésor sous tes yeux, mais toi, comme tu passes devant tous les jours, tu as complètement oublié que ça pouvait être sympa à raconter. Ouais. Quoi. C'est ce que j'aimais bien. C'est pour ça que j'aime bien découvrir des univers, les filmer, les montrer aux gens. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on prend complètement pour acquise, tu vois. Expliquer le processus des gars de louer une maison, se mettre ensemble, Scred qui se met dans le salon, qui prend son clavier. Enfin, tu vois, c'est des trucs pour les gars, mais c'est normal, ils font ça depuis 15 piges et tout, quoi. Alors que l'expliquer aux gens, c'est cool. Et je vais même te dire, moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai déjà fait des réunions d'écriture en résidence, on appelle ça, enfin, tu vois. Et où les journées, des fois, c'était être. Enfin, quand je vois Scred allongé ou toi allongé sur le canapé comme as, mais en fait c'est tout le monde trop bien, parce que moi vraiment les fins de journée tu te sens un peu comme une demeure quand la journée t'es resté allongé dans le canapé et que quand t'as fini tu dis mais on a rien créé de vraiment, on a juste vu ce qui allait pas. Ouais, exactement. Et ça, moi ça m'a fait du bien, moi ça m'a un peu c'est trop bien, on est tout le temps là dedans quoi. Et c'est vrai que des fois c'est bien d'avoir du recul, et puis des fois c'est bien d'avoir des deadlines et tout, et des fois c'est bien de se dire bon ça sort maintenant. Et je pense tout n'est pas non plus, c'est un peu comme je pense vous avec des vannes où tu vas dire ça quand même c'est un truc essentiel, je vais mettre dans un film ou dans un spectacle que j'ai envie qu'il dure, et ça tu te dis allez c'est un tweet, tu vois. Cela dit, le quiz Donkey Kong devait être un film. Là, il l'a un peu gâché dans un épisode. Mais... mon album, normalement. Bon, voilà, oui, c'est vrai, par exemple, pour faire le quiz Donkey Kong, faut pas trop réfléchir. Ah bah là, du coup, ouais, c'était vraiment hier. J'ai fait, bah, vas-y, je peux faire ça et tout. J'étais en train de jouer à FIFA, j'ai fait, bon bah vas-y, je vais faire des... Trop gaulerie, parce qu'en plus, quand je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai mon cerveau qui s'est directement dit, putain, ça serait marrant de faire le EP, le truc. Après, je me suis dit, non, c'est bien là. Des fois, c'est bien comme ça aussi. Oh non, mais prends-la. Fais-la à la U Arena, n'hésite pas, ouais, là, t'inquiète pas, sers-toi. Hein. Vas-y. Tu veux faire un couplet sur un des morceaux, y a aucun problème. Qu'est-ce que ça serait gaulerie. Ça, c'est pile le genre de truc que j'ai envie de faire. Souvent, on a plein d'idées comme ça. Finalement, je le fais pas parce que je me dis, bon, le couplet de Donkey Kong, il était pas nécessaire. Oui, quand tu fais le bilan de tout, tu fais, ah là, c'est la petite partie. C'est la petite différence entre ce que t'aimes faire. Souvent, par exemple, on me propose des rôles dans des films. Et genre, à vrai dire, à 100% du temps, j'ai envie de le faire. Genre, le faire me fait kiffer, tu vois. J'ai envie de rencontrer des acteurs et de jouer la comédie. Je ne sais pas très bien le faire. En plus, j'ai envie de progresser et tout. Mais juste, le résultat final ne va pas rentrer dans l'ensemble de la carrière parce que des fois, ce n'est même pas des mauvais films. C'est juste, le film ne correspond pas spécialement à là où j'ai envie d'aller, tu vois. C'est ça. Et du ou pas coup, au bon moment. Ou ouais, exactement. Quoi, ouais. Et c'est là où, du coup, en fait... c'est important d'avoir du recul parce que mon côté spontané à moi de ce que j'ai envie de faire, c'est genre je le fais, c'est cool, mais en fait faut penser au public aussi. On pense quand même pas mal au public, quoi, à se dire, moi je pense souvent, je me dis même dans le concert et tout, les mecs ils ont pris du temps pour écouter l'album, ils sont dans leur voiture, ils ont peut-être passé une mauvaise journée ou je sais pas quoi, et puis tout ce qui va aller derrière le concert, je sais pas, l'impact carbone du concert, faut que tout ça vaille quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, je trouve c'est un peu notre responsabilité d'artiste aussi de se dire le premier taf c'est quand même de toi être sûr que t'as fait ton truc à fond pour que toute la machine qui va derrière soit cool, quoi. Enfin, soit nécessaire, en fait. C'est ça. Alors, je vous propose un petit jeu, puisque de vous en parler dans le docu, d'ailleurs, c'est... alors, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est plus américain que français, mais peut-être je me trompe, Aurèle, tu vas peut-être me reprendre, mais je vais vous proposer un jeu, je vais vous dire des titres de chansons, et il va falloir me dire pour qui elles étaient prévues à la base. C'est un truc qui se fait pas mal aux États-Unis, c'est que des fois, on te propose des chansons et tu refuses la maquette, mais l'instru, la prod, va... un autre artiste. C'est un truc qui t'est arrivé, toi, Aurèle? Ça se fait pas trop en France, ça se fait? Si, je te demande pas forcément des noms, hein, restons pour toi. Ça se fait. Moi, j'ai failli filer comme ça des morceaux à des gens, mais comme nous, on bosse vachement Scred, Faz, moi. Mais c'est vrai que quand je le faisais d'écrire pour d'autres gens, des fois, je le prévoyais pour quelqu'un et en fait, ça partait ailleurs. Quoi. Oui, c'est ça. Bah là, je vais vous donner des titres et il va falloir me dire pour qui ils étaient prévus à la base. Si je vous dis See You Again, Wiz Khalifa, c'était la BO de Fast and Furious 7. Ah oui. I think I'll see you again. C'est Wiz Khalifa. À la base, c'était pour qui? Sachant que c'est marrant, c'est il y a beaucoup de chansons de films qui se retrouvent là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment un truc très commercial de. Oui. On veut un gros nom. On veut un gros nom pour sortir la BO. C'est pas Wiz Khalifa. Donc pensez gros rappeur. Nom. C'est un rappeur. On peut poser des questions. Ah ouais, allez-y, mais proposez plein. Sinon, c'est juste 15 minutes de silence. On est genre, attends, je réfléchis. Donc c'est un mec de la même époque, c'est sûr. Pas forcément. Je sais pas pourquoi j'irais que c'était Jay-Z. Alors non, mais on est un peu dans ce truc de mélanger plusieurs, enfin d'avoir Eminem tenu peut-être. Ça peut ressembler à un truc qu'Eminem il pourrait poser. Eminem, la rythmique comme exactement. Ça. Exactement. Wow. Eminem devait le faire, mais il avait déjà accepté un film qui s'appelle La Rage au ventre sur la MMA. Ah oui, je vois. Ouais. Il a pas choisi le bon film apparemment. En termes de SACEM, il a pas choisi le bon film. Ouais, c'est le cas parce que c'est un hit de malade. See You Again. Ah bah là, oui, c'est tout le temps, c'est partout. Mais je trouve Wiz Khalifa, Fast and Furious, c'est très bon taf. Très bon taf. Non, puis Eminem, il conduit doucement, je crois, Eminem. Déjà, comme Billie Eilish, je crois, il respecte les feux rouges. Il est un gosse, donc voilà. Baby One More Time de Britney Spears. Oh, ce n'était pas prévu pour elle à la base. C'est le producteur des Backstreet Boys qui l'a fait, donc je dirais les Backstreet Boys. Alors, c'est pas les Backstreet Boys, mais il s'occupait un peu de tout le monde à l'époque, c'est les Suédois. C'était à cette époque-là. Christina Aguilera. Pas Christina Aguilera, par contre. Jennifer Lopez. Non, mais bonne piste sur le Jennifer. Côté groupe. C'était non, pas Jennifer, en tout cas. C'était un groupe. Un groupe Seven. Non. Attends, qui avait comme groupe? Comme groupe à l'époque, les Pussycat Dolls, non? Non, c'était un peu après les Pussycat Dolls. Après. Pensez. Kids United. Non. Un groupe de meufs? Ouais. Ouais, c'était plutôt un trio. Les Destiny's Child? Non. Non, elles ont fait. Dont une qui a percé en solo après ou pas? Alors, je suis pas assez calé. Je crois pas. En tout cas, moi, avec ma petite culture, je n'ai jamais entendu parler. C'est un groupe, elles ont un hit. Elles ont un énorme hit. Spice Girl? Non. Non, américaine. TLC. TLC. Ah putain, c'est ça que je cherchais. Putain, TLC soit SWV. C'est ça, c'était TLC qui devait faire Baby One More Time. On est toujours avec Britney Spears, Toxic. Qui devait faire Christina Aguilera. Non. Je vais le dire à chaque fois, de toute façon. Je comprends. Sache que même ce quand déjà, ça n'a rien à voir. Ce n'est jamais la bonne réponse. Si tu dis Vianney, je dirais Christina Aguilera. Nelly Furtado. Non, pas Nelly Furtado. Oh. Mais c'est une meuf. J'ai aimé la précision. Américaine. Alors, pas américaine. Oh. Mais australienne. Australienne. Bien sûr. Iggy Azalea. Kylie Minogue. Ben ouais. Petite passe D. Ouais, la jolie. C'est beau ce que j'ai. J'ai repris de la tête. Ouais, joli. Alors là, c'est pas vraiment un, c'est plutôt un feat qui a été refusé de la part de l'artiste. C'est la chanson Téléphone de Lady Gaga, à qui était Jean-Louis Aubert. Non, elle était tout simplement. Elle était proposée. Ah oui, je m'en rappelle. Donc c'est Beyoncé qui l'a fait au final, ouais, mais ça a été proposé à quelqu'un d'autre. Alors attends, c'est Rihanna. Non, pas Rihanna. Sia. Non, pas Sia. Attends, c'est un feat. C'était un feat, c'est Lady Gaga chantait. Et je vais même vous dire mieux, c'était un feat qui a été proposé pour l'album de l'artiste qui a refusé le feat. J'ai rien compris, donc je suis perdu moi. Donc c'est-à-dire en gros, Lady Gaga a fait la chanson Téléphone avec Beyoncé, c'était sur l'album de Lady Gaga, mais à la base, c'était à avec base, quelqu'un d'autre que Beyoncé, et c'était l'album pour l'album de ce quelqu'un d'autre. Un peu diva, grosse voix. Une femme. Pas grosse voix, une femme, pas grosse voix, mais énorme star. Énorme star. Maria, bah non, pas énorme. Non. Madonna? Non, mais on est autour, on est pas loin. Plus récent. Pas une, donc pas quelqu'un qui donne de la voix, qui. Bah moi je trouve pas. Après c'est très perso. Je suis pas Philippe Manœuvre non plus, mais je. Philippe Catherine? Non. Que des Philippe, mais bon, on va débattre sur Philippe. Chanteuse, si je vous dis chanteuse. Adèle? Non. Chanteuse américaine connue, vous l'avez. Non, c'était le chanteur des To Be Free, ça. Putain, attends, on est nul. Mais une... non. Bah là, si vous aviez le prénom, vous auriez l'artiste parce que. C'est juste un prénom. C'est juste non, un prénom. Il y a un nom de juste... famille, mais on, tu dis le prénom, tu connais. Le A, oui, c'est un prénom pas commun, quoi. Très connu, en tout cas. Attends, ça va vous rendre fou, malheureusement. Je vais vous énerver. C'est clair parce que c'est hyper simple. Britney Spears. C'est Britney Spears. Ah, mais bien sûr. C'est Britney Spears. On pensait qu'on l'avait éliminé des. Le truc d'avant, mais faut non. Toujours revenir. Faut toujours revenir. Britney Spears. Ah ouais, c'est marrant. Plus, c'était une période où. Ça aurait pu lui faire du bien. De ouf. Ouais, mais elle a. T'es un peu sous tutelle à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Et ben elle a refusé. Un téléphone, ça lui aurait fait. Ça lui aurait rendu service. Le plus grand bien. Elle aurait pu appeler. Elle aurait pu commencer à faire quelques stories Insta. Umbrella de Rihanna. Ok. Donc là, c'était pour quelqu'un d'autre. Hein, ouais. Beyoncé. Non. Dans ma tête, c'est soit Rihanna, soit Beyoncé. Christina Aguilera. Non. Je vais vous le donner parce qu'en fait, vous le trouverez pas parce que c'est un peu un piège. C'est aussi Britney Spears. Ah. C'est aussi Britney Spears. On aurait pu. Ça arrivait juste derrière. Ils voulaient tout donner à Britney. Ils voulaient tout. Bah, c'était la grande star, quoi. Ouais, je pense c'est vrai, que. Bien sûr. Bah, c'est un peu ce que. Elle avait ni parapluie ni téléphone. C'est ça. Des objets. Mais arrêtez de me proposer des chansons avec des objets. Oui, en fait, elle a juste refusé des objets, pas les filles. On croit qu'elle a refusé les filles. Non, mais j'ai déjà un parapluie, merci, c'est très gentil. La chanson sofa. J'ai l'iPhone 12, je suis bien, laisse-moi. Miroir. Alors, il est dans le docu, tout se recoupe. Happy de Pharrell. Oh. C'était pas pour Pharrell à la base. Alors, c'est Pharrell qui l'a composé, mais il l'a proposé à quelqu'un d'autre avant de le garder pour lui. Non. Oh, mais malin. Jamie Foxx. Non, pas Jamie Foxx. Non, moi je dirais. Un mec. Robin Thicke. Pas Robin Thicke. Un mec. C'est un mec. Très belle voix pour le coup. The Weeknd. Non. D'ailleurs, Pharrell a dit, en parlant de cette interprétation, disait, il a complètement explosé ma version. Il était incroyable dessus. Chris Martin. Ah, il l'a pas gardé. Bah non, parce ça que a existé. Le titre a ils existé. Il a fait la maquette. Il a pas kiffé. Et en gros, c'est les gens autour de l'artiste qui a refusé, qui ont dit non, mais le fais pas. C'était Happy. En fait, c'était pour moi. Pas loin. En fait, bah non, mais c'est pas loin. C'était pour moi, Moche et Méchant 2. Ah oui, non, c'est moi, Moche et Méchant. Et donc il y avait un truc de. C'est Steve Carell qui. Non. Ils ont dit tu vas pas faire une chanson pour moi, Moche et Méchant 2. Et donc du coup, il l'a pas fait. Mais le fait est que la chanson a dépassé moi, Moche et Méchant 2 quand même. As-tu entendu mon Chris Martin? Oui, j'ai entendu, mais ce n'est pas Chris Martin. Un mec Adam Levine. À l'ancienne. Pas Adam Levine. Bah, je le trouve pas spécialement à l'ancienne. Moi, c'est pas une giga star. Hein. C'est pas Justin Timberlake non plus, mais c'est quelqu'un quand même de très connu. C'est pas Bruno Mars? Non, pas Bruno Mars. C'est de la voix. Il y a vraiment une voix Bruno. Très reconnaissable. Arnaud. Pas Bruno Solo. Arnaud, le chanteur. Non, pas Arnaud. Voix reconnaissable. Ah, il est très reconnaissable. J'aurais bien aimé. Typiquement le genre de reprise qu'il peut faire. C'est vrai en plus. Parce qu'il avait fait une reprise de Get Up Stand Up d'un niveau de bad et c'était vraiment. Bon, la petite touch quoi. La petite touch Arnaud. On sait toujours Arnaud américain. Dans cette émission, je m'en rends compte. On est fans tous les deux. Qu'on aimait bien tous les deux. Ouais. Américain Je vérifie, mais oui, je pense. Oui. Né à Atlanta, même, je vais vous dire. C'est un rappeur. C'est un genre, c'est plus rap, funk, R&B, soul. Toutes ces choses-là mélangées. Tu vois, ben l'oncle soul. Non. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Pourquoi est-ce qu'on trouve pas? C'est fou. Moi, ça. Moi, c'est parce que je suis nul, je sais. Et quand tu l'as, quand t'entends le nom, tu l'oncle dis... soul, c'est un tonton bourré ou pas? Ouais. Je crois que c'était ça le but. Hein. Parce que tout, pour moi, c'est un oncle, quoi. Bah, enfin, tu vois, Ben c'est l'oncle ton soul. Oncle, t'as pas besoin de dire soul derrière. Ouais, en vrai, c'est tout le temps bourré. Quoi. Je vais vous le donner, malheureusement. Je suis désolé. Un indice, peut-être. Un petit indice. En fait, le truc, c'est... il a fait un duo avec Christina Aguilera. Oh. Ok. Okay. Voilà, une chanson assez connue. Attends, je peux vous la donner peut-être. Nasty, la chanson. Ah. Cause I'm nasty. Peut-être pour ça qu'il a refusé. Ah non, je confonds avec Dirty. Oui, non, c'est pas Dirty. Non, parce que ça c'était avec Method Man, non? Dirty. Let's get dirty. Je crois qu'il y a avec Redman. Redman, oui. Je sens qu'on va être triste. Je vous le donne. Allez, vas-y. C'était CeeLo Green. Ah, mais bien sûr, mais évidemment. Et quand il pense, tu te dis, il aurait été super. Mais bien sûr, en plus, il était en mode Gnarls Barkley et tout, avec Crazy, Happy, Crazy. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Ils ont dit deux émotions de suite. Ouais. Arrête avec les adjectifs. Ça, c'est comme les objets. Comme Britney avec les objets. C'est ça. On t'a déjà proposé, toi, une BO de film? Parce que t'avais fait Whitesnake, qui était quand même un truc très marrant. Ça, moi, je sais quand c'était. C'est sorti en freestyle. Un peu, moi je me suis dit, à l'ancienne ça veut toujours rien dire, mais quand tu name drop vénère, c'est un peu à l'ancienne. Ouais, c'était vraiment la ref quoi, parce que Thomas dans le film il voulait mettre plein de rap un peu old school et tout, et du coup je me suis dit, oh je fais un freestyle old school pour kiffer. Ouais. Et BO de film, ouais, on m'en propose toujours. Hein. Ouais. On m'en propose toujours, mais pareil, faut réussir à trouver le bon truc. En plus, comme moi-même j'aimerais bien refaire des films et tout, je me garde égoïstement pour Wham. Ah oui, tu feras comme Will Smith qui faisait les chansons, il racontait le film. Tu veux faire ça? Tu veux rapper la fin? Comme dans Wild Wild West. C'est clair. Et à 2 minutes 30, le méchant arrive. Dernière question, et après on partira aux recommandations culturelles. Il y a ce truc très cool, moi j'ai trouvé à la fin du docu, où chacun débrief l'impact un peu de la première partie sur. Où on voit justement Scred, Ablaï et tout. Est-ce que c'était un truc auquel t'as pensé? Parce que c'est vrai que c'est aussi vrai dans la deuxième partie, mais ça l'est d'autant plus dans la première. c'est vraiment écrit comme une série avec des personnages, quoi, que ce soit Gringe, Scred, Abla, ils ont vraiment un rôle presque de sitcom, ce qui est pas du tout un gros mot dans ma bouche. Enfin, c'est comme dans Friends, quoi, tu vois, ils ont chacun leur rôle précis. Est-ce que t'es content que les gens maintenant reconnaissent Abla, reconnaissent l'impact de Scred, tout ça? Séquence que j'ai hésité à mettre. Ah ouais. Ouais, parce que je me suis dit. Ah, ça va se nombril. Ouais, est-ce qu'on est en train de se regarder? Mais moi, je trouve que ça va parce que c'est très court et encore une fois, c'est pour mettre en avant les autres. Donc ouais, ça et va, je me suis dit, d'après les retours que j'ai eu, les gens ont vraiment aimé la série. Enfin, ça leur a vraiment parlé d'eux. Enfin, tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, de montrer que ce que les gens ont aimé a rejailli sur les gars, je trouvais ça cool. Tu vois, Scred, Ablai, c'est quand même des gens qui sont dans l'ombre. On le veuille ou non, même si Scred, c'est un compositeur de génie qui est cité tout le temps par Aurel et tout. Mais c'est donc, je trouvais ça cool. Mais de l'entendre, en fait, surtout. Ouais. C'est ça. Moi, je me souviens bloqué quand j'ai rencontré Scred. C'est vrai que c'est un perso, quoi. Tu vois, il y a un truc de glace, disons. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Et en même temps, quand tu le connais un peu mieux, les petits. C'est un sniper de ouf en termes de van et tout. Enfin, c'est. Et c'est là où j'ai trouvé le docu bien fait. C'est que je fais, putain, je reconnais exactement le gars que j'ai croisé quelques fois. Et puis l'anecdote d'Ablai est tellement marrante. Je vous laisserai aller la voir. Ouais, mais l'anecdote d'Ablai, bah pareil, en fait, on rentrait par un truc gaulerie. Donc tout de suite, ça t'aide à te dire, ok, non, on va le mettre si c'était juste pour se passer de la pommade, tu vois. Et parfois, ça joue à pas grand chose. Je crois qu'à un moment, il y avait une version, il y avait deux plans de plus de moi en train de filmer. Ouais. Et je disais, ouah, non, ça fait genre, je suis en train de me congratuler moi-même de mon truc. Et tout, tu vois, et en fait, on a enlevé deux plans, et tu fais, ah d'accord, là c'est tolérable, c'est cool. Ok, on peut parler de moi vite fait. Ouais, puis il y avait un truc qu'on avait envie aussi, quand on re-regarde la série, maintenant un peu mieux, mais c'est quand même dur de voir la timeline, et on avait du mal à faire comprendre que le doc n'est pas sorti. Quand on... ouais. Les premiers épisodes, ils ne sont pas sortis. C'est le truc quand tu ressors l'ordi de la cave. Ouais, c'est ça, ouais. Quand vous voyez, en fait, quand on me voit dans mon studio, le doc n'est pas sorti, il n'y a pas eu le... Je suis quand même dans un truc où j'ai pas eu spécialement d'actu depuis longtemps, quoi. Ouais. Et est-ce que ça m'a fait plaisir de mettre en lumière les gars? Ouais, parce que c'est ça que je voulais faire, quoi. Ouais. Je voulais qu'on connaisse un petit peu mieux mon frère, mais je voulais qu'on connaisse les autres et puis qu'on comprenne à quel point c'est important aussi. Ouais. Et pour dire aux gens aussi, bon, il y a mon frère, tu peux, oui, si t'as envie, te retrouver devant 18 000 personnes à Bercy, si c'est ça ton rêve, mais il y a aussi plein de gens qui s'accomplissent autrement. Ouais. Plein de gens, il y a Nico Ballario, l'ingé son d'Aurel, qui est un ingé son avec qui Aurel il est depuis 15 piges. Il y a Alice Moitier qui a fait les photos de la pochette. Il y a des gens dont on parle pas, tu vois. Il y a Anne qui s'occupe d'Aurel. De sa carrière, les contrats et tout depuis hyper longtemps. Il y a plein de monde dont on parle pas et ou qu'on voit pas forcément quand il y a un album qui sort et en fait dans lesquels tu peux te retrouver. Ouais. On n'est pas obligé d'être une star de la chanson ou du cinéma en fait pour kiffer. D'ailleurs, la plupart des gens, je pense que tu demanderais à Nico Ballario, l'ingé son, tu lui dirais tu voudrais être sur scène à la place d'Aurel, mais jamais de la vie, je parle à sa place. Mais... Non, mais c'est cool, moi aussi, je trouve, pour les gens qui... Moi, j'avais ça avec les making-of de DVD, où tu te dis, mais en fait, oui, t'es pas obligé... quand tu regardes un film, tu dis, ok, je peux être acteur. Enfin, tu penses pas à tout le reste, et effectivement, c'est ça qui est cool. Ça peut créer des vocations parallèles, disons. Ou... Ah, bah, régisseur. Aurel, il a deux personnes qui font la régie, qui s'appellent Dorothée et Julien, qui sont incroyables, et ils font trop bien leur métier, parce qu'ils kiffent leur métier. Et c'est ultra important, en plus, la régie, c'est un truc de ouf. Et c'est trop important, c'est les gens qui, en gros, s'occupent de l'organisation tout autour d'Aurel pendant les concerts. Ouais. Et c'est s'ils faisaient ça en attendant de devenir des restas, tu vois, ils feraient pas très bien leur métier. Or, en fait, il y en a parfois. Des fois, des régisseurs, tu dis, toi, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu fais beaucoup de blagues. Ils le font trop bien et du coup, ça permet que tout le monde soit dans une bonne vibe. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et du coup, j'avais envie de montrer ça, donc je trouve ça cool. Et puis, c'est un peu un approfondissement des textes. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est ce que tu disais avec les Crocs et tout, mais c'est aussi Scred et Ablai et Gringe. Enfin, tu les cites depuis le premier album, mais là, d'un coup, de les voir vraiment travailler et tout, enfin, c'est. C'est logique en fait, même c'est ça que je trouve cool. C'est ça, c'est clair. Et puis sans eux, mes albums ce serait pas la même chose. Là où je me pose des questions, c'est comment est-ce qu'on a fini par s'entourer de tous ces persos qui existent dans le monde des persos, ou est-ce que petit à petit on devient ces persos, ou est-ce que genre à force de raconter notre propre histoire on est en train de chacun de se définir dans des rôles, tu vois, c'est marrant. Et même des gens qui sont plus forcément avec nous, qui n'avaient pas forcément un rôle dans cette équipe là qui sont partis avoir un rôle dans une autre équipe, tu vois. Ouais. c'est c'est fun, comment est-ce qu'on s'organise un peu comme, comme des fourmis. Mais c'est ou presque genre... une philosophie de vie, quoi. C'est, ouais. Tu dis, mais ouais, mais c'est même quand tu parles du retour de David, alors j'arrive jamais à dire le nom bien. Tomaszewski. C'est ce truc-là, c'est ce truc de, ouais, les gens rentrent, sortent et tout, c'est. Grave, c'est ils s'accomplissent, ils font leur propre expérience, on rebosse ensemble, c'est trop bien, quoi. Ouais, ça tue. Bah, et c'est cool de pouvoir faire ces trucs à soi pour mieux revenir aussi parfois. Moi, c'est ce qui s'est passé à Canal avec l'émission que j'avais qui s'appelait Invisible, où je la faisais tout seul pour le coup. Enfin, Aurel n'avait aucun impact sur mon émission. Et ça m'a montré que je pouvais faire des trucs tout seul. J'appliquais quand même les conseils et les choses que j'avais vues chez Aurel. Et du coup, pour revenir après pour faire un truc où je parle d'Aurel, où en plus on joue un peu l'admiration naïve du petit frère et tout, ça m'a pas dérangé de me mettre dans cette position là parce que Ouais. Oui, j'avais fait autre chose, donc c'était pas. Ça m'aurait. Si j'étais resté tout le temps, limite, j'avais été, je sais pas, le mec qui fait des vidéos sur les réseaux d'Aurel et machin toute ma vie, peut-être ça aurait été un peu chelou, tu vois. Un peu... Là où je me disais, bah non, c'est cool, c'est ce que j'ai envie de faire, je suis serein. Si quelqu'un me dit, oh, dis donc, t'es fan de ton frère, bah ouais, de ouf. Tu vois. Et t'aurais envie, là, du coup, de faire. Je sais que t'as d'autres projets, mais est-ce que des d'autres docus ou plus de la fiction c'est des choses... docu, sans nous dire genre... précisément, hein, bien ouais, sûr. Non, hein, mais... bah, docu, re-suivre quelqu'un. Hyper longtemps. Oui, aussi longtemps que ton frère, ça va prendre du temps là, du coup. Bah, déjà, en fait, quand t'as suivi quelqu'un pendant 20 piges, tu sais, on est un peu esprit de compète, donc je me disais, bah maintenant, faut que je suive pendant 40 piges. Donc, le doc, il sortirait dans longtemps, ce serait en laser. Cela dit, j'y réfléchis, mais ça se trouve sur un de tes gosses. Tu vois, ouais, ça mais tu sais que mes enfants ils me demandent et ils disent mais t'as fait un film sur tonton, pourquoi tu fais pas un film sur moi et mes copains? Tu vois, là le gars est vraiment visionnaire, ça vient des stars de ouf. De ouf. Et donc je lui ai dit bah filme ta sœur comme ça, tu vois. Ouais, c'est j'ai botté en touche. J'aimerais bien. Non, j'aimerais bien faire c'est que Sacha, c'est mon fils. J'aimerais bien faire un faux documentaire. Ah, ça me ferait marrer. J'adore. En fait, moi j'adore dérusher, monter, tourner, c'est pas forcément ce que je préfère. Et j'adore détourner les archives. Tu vois, Forrest Gump, c'est une de mes rêves. Bref, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait, c'est incroyable et tout. Donc j'aimerais bien genre prendre tout ce qu'on a fait là pour raconter la réalité et faire l'inverse. Ah ouais, un final tap un peu de... De ouais, ouf, ça, ça me ferait trop kiffer. Et ouais, écrire de la fiction. Écrire de la fiction, notamment, tu vois, un film de sport, ça me ferait kiffer. C'est... Ce qui est dur en plus. Ce qui est dur et c'est toujours un peu entre... Enfin, les... Et j'aimerais bien me frotter à ça en me disant, tiens, est-ce que j'y arriverai, quoi, tu vois. C'est ça. Souvent, en tout cas en France, on a du mal à savoir le faire. Aux États-Unis, ils arrivent toujours à faire le pas de côté, genre... via le coach, enfin tu vois genre le stratège, c'est genre le coach, du coup il a, t'as un concept qui est plus gros que le sport, mais en même temps le sport est super bien filmé. Le sport c'est une arène, c'est ça le sujet. En fait. Et moi j'aimerais bien que ce soit le sujet, genre t'as pas peur de, comme dans les mangas en fait, t'as pas peur à un moment que l'enjeu soit juste est-ce qu'il va réussir à changer de main face à cet adversaire qui sait très bien bloquer sa main droite. C'est ça. Et t'as un tome là-dessus. Les meilleurs films de sport c'est les mangas, c'est sûr. Mangas de sport, c'est incroyable. Et dans tous les domaines, les mangas, ils sont trop forts parce que justement, je trouve, ils assument leur côté. Non, on va parler du sujet qui n'est pas simplement le décor pour une histoire ça d'amour. Ça va pas être un sportif issu de banlieue qui rencontre un riche coach. Tu vois, c'est vraiment... Et qui va tomber amoureux de sa fille. Oui, voilà, c'est ça. Non, il n'est pas là-dessus. Et de temps en temps, il lance un ballon, quoi. Ouais, là, de temps en temps, qui atterrit dans le panier ou pas. Et après, ça, on s'en fout. Donc voilà, c'est mon défi. Ok, bon, bah, très stylé. C'est le Floodcast, donc on termine toujours avec les recommandations culturelles. Donc ça peut être des choses que vous avez vues. Enfin, c'est des choses que vous avez vues récemment, écoutées, lues. Consommées, quoi qu'il. Mais pas forcément des choses récentes, juste des trucs que vous avez appréciés récemment. On va commencer par Adrien. Moi, il y a un jeu sur PS4 qui s'appelle Rollerdrome. Et je vois c'est quoi, j'ai failli télécharger. Franchement, il est vraiment bien. Okay. Et en gros, le principe, c'est que t'es dans une arène avec des rollers et t'as des flingues. Et tu dois buter les mecs qui sont là pour te buter aussi, quoi. Et en fait, vraiment, alors déjà, il y a du bullet time, donc tu peux ralentir le temps pour tirer sur les gars et tout. Donc ça, j'aime trop. C'est un peu Max Payne sur des rollers, quoi. Ouais. Et en fait, le principe qui est... Oh, le pitch est incroyable, déjà. Vraiment, il est fou, quoi. Et en fait, le principe, c'est que... Donc, t'as des rampes partout, etc. Et tu dois... Pour avoir des munitions, tu dois faire des figures, en fait. Quand tu fais des figures, ça te donne des munitions. Du coup, tu peux buter les gars. Et tu dois après refaire des figures. Donc, tu dois gérer un peu l'équilibre. Comment genre... ils justifient ça? Il n'y a pas de justification. Chaque figure fabrique des munitions. Ils disent, c'est le futur. Mais en vrai... En termes de gameplay, ça marche trop bien, donc tu l'acceptes, quoi. Ouais, les graphismes, ils sont ouf, un peu 70s. Ouais, un peu 70s, un peu BD, quoi. Ouais. Et vraiment, la DA, elle est folle. C'est trop bien, franchement, c'est vraiment le jeu, tu butes des gars, tu fais des figures. Et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de figures que tu peux faire des grinds et tout. Et tu grinds et tu butes des gars comme ça. Max Payne. C'est exactement ça. C'est comme ça que moi, on me l'avait décrit, un mélange entre Tony Hawk et Max Payne. Et c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est trop marrant. Donc je recommande. Il est pas très cher en plus, c'est un jeu indé, donc voilà. Trop bien. Clément ? Moi, c'est la Tour Eiffel. C'est vraiment c'est très sympa. Ça a l'air chambé, c'est hein. Hyper haut. Ouais. Et tu peux en acheter des petites autour. C'est chambé, c'est génial. Essayer de gagner du temps. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça à un moment. C'est top la Tour Eiffel. Non, il y a quelqu'un qui a laissé un avis sur Google en disant t'as visité, c'est avoir. Top. Ouais. Vous pouvez faire ça dans le prochain Floodcast, lire tous les avis sur la Tour Eiffel. On peut. On sélectionne les meilleurs. Tout ce qui est possible. En série, on fera. Non, en ce moment, je regarde Succession. Okay. Pas, c'est un hit de ouf, je pense. Mais c'est trop bien. C'est Game of Thrones dans le monde des médias et de la finance, un peu, on va dire. Quoi. En tout cas, d'une grosse entreprise. De l'oseille. Des quoi. De l'oseille. C'est un peu l'équivalent. C'est l'équivalent de Disney, un petit peu. C'est des la succession, quoi. Enfin, qu'on appelle ça. J'ai perdu mon mot. Des héritiers. Ouais. Qui doivent gérer. Exactement. Un business. Je raconte le premier. Enfin, sans trop spoiler. C'est un milliardaire richissime qui tient. C'est un peu inspiré du boss de la Fox. Je crois que c'est Rupert Murdoch. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui a des enfants et donc un petit souci de santé. Donc hop, ça y est, la succession commence à se mettre en place. Qui va prendre sa succession? Et du coup, c'est que des scènes de menaces feutrées entre des gens. Donc c'est pour ça que ça me fait grave penser à Game of Thrones sans les dragons. Et du coup, c'est trop bien. C'est hyper. Plus tu regardes, plus t'es avec les personnages, plus tu te dis mais le cynisme, la violence feutrée. En fait, t'as pas besoin de te mettre une immense droite pour en fait détruire quelqu'un. Ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça hyper bien fait. En plus, c'est trop marrant parce que c'est Adam McKay et Will Ferrell, les producteurs exécutifs. Ouais, c'est ça. Et Adam McKay a réalisé le pilote aussi. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça ouf la trajectoire de faire, tu vois, les films de Will Ferrell et de finir par faire Succession. Enfin, tu vois, c'est un. Bah, Adam McKay, c'est fou sa carrière parce que même Vice ou Don't Look Up. Enfin, c'est j'ai pas vu Vice, vu Don't Look Up, mais. Vice, moi j'ai adoré. Don't Look Up, j'ai trouvé ça cool. Il y a 3 jours, Vice. Ouais, c'est bien, hein, franchement. Ouais, ouais. Et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, ça veut dire que tu peux partir de grosses comédies. Et qui montre qu'il faut aussi du talent pour faire des énormes comédies. Ouais, ouais. Aller vers des trucs plus sérieux. En plus, j'avais écouté, lui, il produit pas mal de choses, justement. Mmh. Il développe l'écriture, il réalise le pilote, et puis derrière, il laisse les projets à des gens plus jeunes qu'il a repérés et tout. Et donc, je trouve que sa trajectoire en tant que réalisateur/producteur, elle est hyper. Et tu vois que la comédie nourrit ce qu'il fait. Enfin, Vice, c'est littéralement ça. T'as vraiment des cuts de sketch, des fois, tu vois, où tu pars sur complètement autre chose, mais du coup, ça relance de ouf le montage. Bah, là, Succession, par exemple, t'as vraiment des trucs, c'est des phrases, je pense, de stand-up ou de. Enfin, tu vois, quand je dis qu'il faut toujours ce qu'on disait tout à l'heure, grave. T'as un truc, je sais plus, où le mec il dit quoi, t'as que 5 millions, mais t'es le plus pauvre des riches, c'est nul. Et tout, c'est trop fort. Ah, ça tue. Donc, Succession, je crois que c'est sur OCS ou MyCanal. Ouais, sur OCS, ouais. Et bien, quant à moi, je vais vous conseiller un livre qui s'appelle Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Bon, le titre est atroce. Ah ouais, c'est Star Wars. C'est Star Wars, exactement. Ah, oui. C'est l'autobiographie du monteur. Non seulement de Star Wars, mais ça aussi devient tellement de plus en plus pointu, Thérèse. Non, mais tu vas voir, c'est vachement bien. En fait, l'autobiographie du biographe du monteur. Non, c'est l'autobiographie du monteur qui a fait aussi les Brian De Palma et qui a fait les films de John Hughes. Et en fait, c'est vachement intéressant parce qu'il raconte en gros que son métier de monteur sur les différents films. Donc déjà, il y a plein de petites anecdotes. Bien. Moi, j'adore les petites anecdotes de comment ils font les choses. C'est pour ça que ça, en plus, ça colle parfaitement avec le docu de Clem. Créatif, toujours. Exactement. Et en plus, lui, ce qui est génial, donc il a quand même monté le premier Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, Ferris Bueller, le premier Mission Impossible. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et sur la fin... Il y a des daubes et il parle aussi des daubes. Et il a monté Pluto Nash avec Eddie Murphy. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez de Pluto Nash, c'était Eddie Murphy dans l'espace et c'est considéré comme un des pires films de l'humanité. Sérieux ? Il le sait. Ouais, comme un des plus mauvais films. J'ai pas vu. C'est le film qui a coulé la carrière d'Eddie Murphy à l'époque et il a fait une pause de je sais pas combien d'années et là il revient en ce moment. Mais c'est le film où il a dit après, bon, en fait, je vais arrêter de faire des films. Je suis trop vieux, je suis plus drôle et je reviens dans 20 ans. Ah merde. Et donc, ce gars-là en parle. Et il te parle de comment il a bossé avec tous ces mecs. Et le boulot de monteur, c'est vrai qu'il est super intéressant parce que c'est la dernière écriture d'un film. C'est le moment où le mec est complètement détaché de tout et il doit bosser avec un réal qui, lui, pour le coup, a tout dans sa tête depuis des années et tout. Et donc, il parle de tout ça. Et moi, je viens du montage aussi. J'avais monté Bloqué, en l'occurrence. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est suffisamment bien raconté pour que, même si vous y connaissez rien, juste ça vous intéresse un petit peu. Grave. Parce qu'il y avait un autre bouquin qui était sorti, qui était par le monteur d'Apocalypse Now. J'ai oublié le titre, je vais regarder. C'est pas un clin d'œil. Non, c'est ça exactement, ouais, un clin d'œil, un truc comme ça. Et celui-là, je l'avais un poil moins aimé parce que c'était vraiment à l'ancienne. Donc en fait, il expliquait le montage avec les pellicules et tout. Donc d'un coup, bon, c'est vraiment une autre époque. Lui, il est moins là-dedans. Il est vraiment dans juste travailler avec des artistes. C'est un peu long. Donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est rangé par film. Donc moi, je l'ai lu dans le désordre. J'ai commencé à lire les films que j'ai vus et qui m'intéressaient, et après j'ai lu le reste. Cool. Donc voilà, le titre est vraiment à rallonge. Il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Mais n'hésitez pas à lire ce bouquin qui est vraiment cool, de Paul Hirsch, qui est le monteur. Et le, en un clin d'œil, il est cool. C'est le monteur de Coppola. C'est Maël Lenoir, le monteur du doc, qui me l'a offert. Ouais, c'est ça. Donc du coup, en plus, c'est un livre que je chéris. En l'occurrence, Apocalypse Now, c'est vachement intéressant parce qu'ils avaient des heures et des heures de rush, de trucs inutilisables, de plans. Où Marlon Brando est surobèse. Enfin, il faut faire un film avec ça, quoi. Donc, ça, et ça s'appelle un clin d'œil, parce que sa théorie, c'est que faut que les cuts arrivent quand les gens clignent des yeux. C'était sa théorie. Tu t'enfermes un petit peu là. Tu veux pas te concentrer sur l'histoire. c'était hyper intéressant. Par exemple, dedans, il expliquait pourquoi est-ce que les fondus enchaînés, ça marche pas très bien dans les films, parce qu'il dit par exemple, c'est pas un truc naturel de l'être humain. Donc il dit par exemple, ça n'existe pas dans la vie d'enchaîner des images. C'est quand tu t'endors. Donc dans les rêves et tout ça marche par exemple. Et donc je me suis dit, ah tiens, c'est fou quand même, ça veut dire que c'est vrai que les processus mécaniques humains doivent se retrouver dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée. Donc c'est le truc dont je me souviens, mais je t'en prie, franchement, courir, n'hésite pas à le lire, c'est super intéressant. Je vais le prendre là. Vas-y, il est juste à ta droite. J'ai une autre mini reco moi, vas-y. Fait, parce que en fait ça, c'est Michael Jackson, c'est ça, le chanteur. Non mais en fait j'y ai pensé en regardant le doc, et je m'étais dit, faudra que je savais peut-être déjà Marocco il y a très longtemps, mais du coup je la redis. C'est un podcast qui s'appelle Song Exploder, et en fait c'est des gens qui ont fait des morceaux généralement, enfin parfois même assez connus, et ils expliquent comment ils ont créé le morceau vraiment étape par étape. Genre t'entends des fois les maquettes justement des morceaux, tu vois, ultra connus et tout, tu t'entends la maquette ou enregistrée sur leur téléphone ou vraiment tout éclaté, et ils expliquent comment ils ont les idées, comment ils sont revenus en arrière machin. Et c'est vachement, c'est aussi devenu un show Netflix. Ouais, c'est ça. Mais je crois que j'ai regardé, enfin je sais pas, moi je trouve ça marche vraiment bien en audio. Ah, c'est fou, je l'ai pas entendu en audio, parce qu'il y a un épisode sur Dua Lipa qui était assez cool, qui nous avait servi aussi de ref. Ah bah putain, faudrait que je retente le truc. Mais moi j'avais découvert il y a longtemps en podcast, et je trouve ça hyper intéressant. Bah ça m'y a fait penser en fait, justement quand tu connais les morceaux et de re-entendre, tu fais ah putain ouais, comme ça qu'il a eu l'idée et tout. Et en fait je trouve qu'il y a un côté aussi vachement décomplexant sur le processus créatif, comme on en parle depuis tout à l'heure, sur le côté bah des fois tu galères, t'as une idée, y a un accident, et en fait cet accident c'est ça qui va devenir le truc bien dans le morceau ou dans l'œuvre et tout. Donc voilà, Song Exploder sur toutes vos plateformes sur vos plateformes préférées. Voilà, bien sûr. Exactement. Et donc toi Aurèle? C'est pas, je l'ai pas lu là, mais je crois qu'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était Le Problème à Trois Corps. Okay. De Liu Cixin. Okay. C'est en fait une série de trois livres. C'est le premier qui s'appelle Le Problème à Trois Corps. Je crois que l'ensemble de l'œuvre s'appelle genre La Saga de Trisolaris ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais regarder. Mais ouais, c'est de la science-fiction. Science-fiction méga. Je sais pas, méga poussée. Ouais. Avec un peu le côté. Le côté, comment est-ce qu'on dit, genre dynastie, où tu suis plusieurs personnes et tout. J'ai vraiment, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, notamment parce que c'est vraiment poussé dans la science-fiction, donc tu commences à t'intéresser à genre la physique quantique. Ouais. Et puis aussi parce que l'histoire est ouf. Ouais, c'est quoi l'histoire à peu près, sans trop entrer C'est dur, franchement, c'est dur résumer, de pas spoiler quoi. Ah, ouais, okay. Rien qu'au début, ça commence sur un truc historique en Chine, et t'es à fond dedans. Okay. Ça se passe en Chine. Ça se passe en Chine. Okay. Liu Cixin, c'est un chinois. Ouais. Et justement, je m'étais dit, putain, ce serait trop bien de l'adapter. Ouais. Comme j'aimerais bien faire un peu des trucs de films, de séries et tout. Et en fait, les droits ont été achetés par les mecs qui ont fait Game of Thrones. Ah bon, oui. Donc finalement. Ouais. Petite concu. Ouais, peut-être que. Normalement, ça va sortir peut-être en 2023 ou 2024. Et apparemment, il pourrait y avoir des épisodes, quoi. Ouais, bah écoute, donc vraiment j'espère qu'ils vont réussir à bien l'adapter, mais le bouquin, et apparemment ça sera sur Netflix apparemment. Ah ouais, bah voilà, nous on est sur Amazon, mais et ce qui est cool, c'est pour ceux, moi ça me faisait peur science-fiction, je suis pas très science-fiction, et c'est Aurèle qui me l'avait recommandé, déjà je l'ai lu, c'est qu'en fait tu peux de temps en temps un peu zapper entre guillemets les passages sur la physique et tout, et après c'est hyper social et c'est ouais. sur quelles seront les retombées sociales et politiques des avancées technologiques. D'accord, c'est ce okay. donc c'est ouais. une exploration, ça ressemble des fois un peu à dans Lost, est-ce qu'on va dormir dans la caverne ou est-ce qu'on reste sur la plage quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça, c'est qui fait quoi avec les avancées technologiques quoi. Ça c'est assez cool. C'est vrai que c'est un ouais. dernier truc qui, un des derniers trucs qui m'a traumatisé un peu, où vraiment il y a des scènes où je me suis dit non c'est pas possible c'est ça tu vois vraiment Bon bah trop bien, ça tue. Bon bah voilà, bah merci beaucoup les gars, merci d'être venus, ouais. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. J'en remets une petite couche, montre jamais ça à personne. Yeah. La deuxième partie, bah la première est aussi dispo, de toute façon tout et est oui, gratos, gratos. Bah, peut-être ouais. plus maintenant du coup. Ah, je crois que c'était une semaine. Ah, je crois les bâtards. Je crois que ça a fini avant-hier. Et ah ouais, maintenant, bon. Il faut raquer. Tout est sur Prime Video. En tout cas, il y a de quoi bouffer. Et pour voir un petit peu là, le making of. Mais making of, j'ai l'impression que c'est très technique, alors que c'est vraiment vivre un petit peu la création ouais. d'un album, quoi. C'est ce que je dis dans la bande-annonce au début. Je dis dans un petit objet. Oh. Bon, faut que je me réveille. Dans un tout petit objet, un CD, en fait, on n'est pas au courant, mais c'est une aventure humaine de ouf. Ouais. Et donc, c'est ça que j'ai voulu raconter, quoi. Trop bien. Bon, bah, merci, les gars. À bientôt, tout le monde. Salut. Merci. Ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.